Kim. Oh, elle est monstrueuse celle-là. Le but de cette finale. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se prie. Magnifique. Premier mot, premier mot. Ils sont champions de France. Regarde. Où la bataille était le match. La bataille le match, moi. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill. C'est donc l'émission 18 de cette saison 3. Et ce soir encore une émission avec pas mal de chillers. À ma gauche, Dimitri et Romain. Salut les gars. Salut. Salut, la forme. En face de moi, Thibaut, salut. Salut, salut. Et à ma droite, Yacine et Tim. Retour salut. De Tim. Salut. Ouais. Et bonsoir à tous. Ce soir, on va parler, on va un peu délaisser le foot dans les résultats de la semaine, même si on va parler quand même de Ligue 1. La finale de l'Australian Open, évidemment, avec le sacre de Wozniacki et le sacre de Roger Federer. La finale des championnats d'Europe de hand, mais aussi le parcours de l'équipe de France de handball. Le sport montpellier ce week-end, c'est un bilan assez mitigé, si ce n'est assez très moyen, je veux dire. 3 victoires. Un match nul, vous verrez, victoire ou défaite, vous jugerez par vous-même, je vous en parlerai tout à l'heure, et 3 défaites. Donc ouais. Bilan assez moyen pour l'instant, ce week-end. Quoi. Mais bon, étant donné que Montpellier, généralement, les bilans ils sont assez bons. Ouais, y a quand même une petite victoire quand même ce week-end. C'est-à-dire bon. Ben le MHR quand même. Oui, j'ai dit 3 victoires. 3. J'ai dit 3 victoires. Ah, mais juste, petite question, est-ce que dans ton compte, tu comptes justement la qualification en Coupe de France? Parce que, improbable, j'étais au match, j'avais pas dû y aller depuis... Des années non, à la mosquée. J'ai franchement regretté d'y être allé. J'ai pas pris ça. Ton dernier souvenir, t'as pas laissé forcément. Non, clairement, oui. Un souvenir un peu. On peut comprendre. Et du coup, donc, le débat football, ça va être le comparatif de deux championnats prestigieux entre la Liga, donc la Liga Espagnola, et la Première Ligue. On va voir. Il y a des frictions là, je le sens. Ouais, je pense que ça va. On est déjà tendu autour de la table. On est 50-50 autour de la table sur Liga ou Première Ligue. Vous verrez ça tout à l'heure, donc en deuxième partie d'émission. Allez, on passe tout de suite au résultat de la semaine. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier. Et donc le football, on va commencer très rapidement, on va pas épiloguer dessus. On va parler que de la Ligue 1, donc dans les résultats, Nantes qui surprend Guingamp 3-0 à l'extérieur. Puni Guingamp. Toulouse qui gagne 1-0 contre 3, donc qui se sauve un peu, tout comme l'AS Saint-Etienne qui gagne 2-1 contre Caen, et Bordeaux également qui gagne 3-1 contre l'Olympique Lyonnais. Dans dur, d'autres ça. Résultats, Nice qui prend un coup d'arrêt, on va dire, avec la victoire de Metz 2-1 à domicile. Menalou. Et donc dimanche soir, OM Monaco qui a fait donc qui restait sur le score de 2 partout. Donc est-ce que vous avez regardé un match que vous voulez parler d'un match en particulier? Moi j'ai regardé un avant de parler de Montpellier donc en deuxième partie dans l'espoir Montpellier. Peut-être le match d'hier soir. Moi j'ai vu le match d'hier soir. Je portais mon Monégasque. Ça a été un très beau match. J'avais un peu peur parce que c'était un match à enjeu pour les deux équipes. Et au final elles sont allées les deux de l'avant, on a vu deux premiers buts au bout de 10 minutes. Vraiment un super match, ouais. Les deux équipes au niveau, un gros duel au milieu, Luis Gustavo, Fabinho qui ont fait des matchs assez impressionnants. Luis Gustavo, c'est depuis le début de la saison, Fabinho c'est vraiment un retour. J'ai une question pour toi sur Fabinho, on l'a vu qu'il était quand même un peu en dedans cette année. Est-ce qu'il se découvre lors des gros matchs ou... Il est toujours là lors des gros matchs, il faut être honnête. Après, c'est vrai que. C'est pour mieux partir ou pas? Ouais, je pense aussi. Peut-être moins motivé, je pense. Hein. Il est moins motivé, voilà, impliqué, c'est ça. Quand il y a des gros matchs, il répond présent, mais sur les matchs contre Amiens ou contre Angers, je pense qu'il a. Et ouais, son transfert pas la même motivation. Ça lui a fait beaucoup de mal. Il avait une bonne sortie de la part des dirigeants, je pense que ça lui a fait mal. Je sais pas vous, mais je trouve qu'on a quand même un beau Big Four cette année en Ligue 1 avec des matchs entre ces équipes qui sont plutôt pas mal. Ouais, puis c'est peut-être ça devait faire, je pense, peut-être 3 ans qu'on n'avait pas eu au moins deux équipes aussi fortes. Là, on en a 4, Marseille-Monaco qui rivalise très bien avec Lyon et bon, Paris qui fait cavalier seul en tête, ça c'est pas très surprenant. Mais en termes de qualité de jeu, au niveau des matchs et au niveau de la constance aussi, parce qu'on ne parle pas trop du nombre de points que chaque équipe prenne, mais tout le monde est en progression, sauf Monaco, parce que l'année dernière, ils ont été sur un rythme de champion. Mais je trouve que c'est assez plaisant. Quoi. Ouais. Puis qu'on soit supporter de l'OM ou pas, ça fait quand même plaisir de les voir à ce niveau-là oui, du classement. Vrai. ça fait beaucoup plus, ça m'aurait fait mal au cœur de les voir 15e avec l'effectif qu'ils ont, quoi. Bah c'est les clubs historiques de Ligue 1, quoi. Voilà. Enfin, ouais, voilà. Donc c'est, en espérant que ça fait du bien de les voir là-haut. Voilà, puis il y a Nantes qui est pas loin, mais malgré tout ça reste un des gros clubs de Ligue 1, donc c'est Nice, même si c'est pas encore s'ils sont pas à la lutte pour la deuxième et troisième place, ça reste ouais. Ça reste un beau Big Four, ouais. Très bien, on n'a pas rajouté sur la Ligue 1. Au niveau du classement, donc le PSG, comme on l'a dit, reprend le large avec la défaite de l'Olympique Lyonnais. Plus 11 pour le PSG sur les Gones qui sont deuxièmes. Égalité de points d'ailleurs avec l'Olympique de Marseille. Monaco est juste un petit point derrière, donc quatrième place qualificative pour l'Europa League. Simple petite question pour Tim. Comment t'expliques finalement un peu cette irrégularité des Lyonnais que j'ai suivi assez régulièrement et qui voilà, alterne le bon et le moins bon voilà, il y a un gros contraste par exemple entre le match à Paris et contre Paris, je veux dire, et ensuite ce match contre les Girondins de Bordeaux. Ouais, bah t'as tout à fait raison. Cette irrégularité là sous Genesio, c'est j'ai pas peur de le dire, c'est quasiment une marque de fabrique. C'est les joueurs en fait de l'Olympique Lyonnais qui, il y a 3-4 joueurs vraiment qui sont un petit peu au-dessus et qui choisissent leur match. Ça fait depuis 2 ans que c'est comme ça, où tu vois, t'es sur une bonne série, tu fais un gros match à Paris, et derrière contre Bordeaux, je pense qu'ils y sont allés un peu en dilettante en se disant bah Bordeaux c'est une équipe en méforme, on va faire nos gammes. Il a remis l'équipe qu'il a mis contre Paris avec Fekir au milieu. Moi je suis pas du tout fan parce qu'il a moins de liberté de jeu et il est beaucoup moins en électron libre. Et tu vois que sur la qualité, on n'est pas encore sur une grosse régularité. Donc quand on parle de dynamique, il faut quand même relativiser. Même si là, ça faisait 7 victoires extérieures d'affilée. Bon voilà, faut pas dramatiser, mais il ne faut pas non plus s'emballer, quoi. Après, ce qui est impressionnant par rapport à Lyon, c'est quand on compte le nombre de points qu'ils ont pris face aux grosses équipes, entre guillemets, ouais, depuis des années, c'est assez impressionnant. Hein. Ouais, ouais. Ils perdent très peu contre les grosses équipes, même contre Paris. Donc. Mais Lyon, c'est la marque de fabrique de perdre des points contre les petits. Ouais, ouais. Ouais, bon, après, moi, là, Bordeaux, c'est pas vraiment un petit, mais c'est une équipe, on va dire, en méforme quand même. Quoi. Ouais, non, mais Lyon était quand même sur une bonne série, donc je m'inquiète pas. C'est ça. Mais bon, Romain a quand même raison de dire cette irrégularité, parce que je te dis, c'est quelque chose depuis 2 ans qui est avéré. Maintenant, j'attends Lyon, parce que par rapport au match européen, justement, comment ils vont gérer. La Coupe d'Europe, parce que la finale de l'Europa League c'est bientôt à domicile. À domicile, donc, ok, on va passer au deuxième sport avec le rugby. Et donc, il y a eu le retour du top 14 après la Coupe d'Europe. Le RC Toulon a gagné 36-12 contre l'UBB, donc Bordeaux-Bègles. Lyon qui a mis une tollée à Agen, 71-17. Stade Rochelet qui gagne 33-24 contre Brive. Le Stade Toulousain 37-15 contre Oyonnax. Castres Olympique qui se fait surprendre à domicile 13-18 face à une équipe du Racing en forme en ce moment. Et le Stade Français qui se prend une pile aussi à domicile 5-40 contre la section paloise. Au classement, le MHR est premier de top 14, on verra tout à l'heure après sa victoire à Clermont. Un point devant la Rochelle et un point devant donc le Racing qui fait un retour très impressionnant. Trois habitués au classement qui suivent dans le top 6 avec Castres, Toulon, et Toulouse. Moi, je reviens sur quand même Clermont qui n'est pas dans les 8 premiers du championnat, qui est 10e, donc ça alerte. Et il ne faut pas oublier que l'équipe de France, c'est au moins 7 joueurs clermontois qui sont sélectionnés, je crois. C'est 7 joueurs, je sais pas si c'est autant à ce point-là. Je sais qu'il y a 9 Racing Men, mais je crois que le deuxième contingent, c'est seulement 4, je crois, en équipe de France. Donc je sais qu'il y a beaucoup de Clermontois, mais pas après, ouais, si tu crois que j'ai Draziac, Para, ouais, ça peut facilement arriver à 5 ou 6, hein, je pense. Ouais. Plus les blessures, je pense que clairement cette année. À mon avis, il serait quand même avisé de mettre tout ce qui est possible sur la Coupe d'Europe. Ouais. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas encore terminé pour le top 14 ni pour les barrages, mais ils sont déjà largués, hein. Il faut dire la vérité. Ça va être compliqué, larguer, je ne sais pas, mais peut-être. Ah, ça commence à se distancer petit à petit. Dernière place qualificative, peut-être. Effectivement, je suis assez d'accord avec Yacine. Clermont commence à être distancé. Hein. Il y a 10, 11 ou 12 points, je ne sais plus, entre Clermont et les places qualificatives. Ça commence à faire beaucoup, surtout dans un championnat qui est devenu si compétitif. Après, c'est bien sûr pas foutu encore pour eux, mais c'est quand même très, très mal parti. Et après ce match dont on parlera plus tard, on sentait qu'ils étaient vraiment abattus de ce résultat. Après, à l'inverse, c'est le paradoxe. Tu parles des joueurs français de Clermont, ils réussissent très bien en Coupe d'Europe et effectivement ça devrait être l'objectif premier pour cette équipe qui a toujours voulu aller la chercher et qui a eu du mal parfois en fin de saison à jouer sur deux tableaux. Ils n'auront peut-être pas à le faire. Par contre, on a des équipes donc qui reviennent au premier plan en top 14. Clermont nous avait habitués à être toujours, même, j'ai pas envie de dire dans les 6, mais premier ou deuxième, c'est surprenant de les voir aussi bas, c'est une certitude. Dernière équipe effectivement en péril que je voudrais signaler, c'est le Stade Français cette saison, qui aura sans doute rien à jouer et qui a pris une tôle à domicile contre Pau, c'est quand même pas anecdotique. Inquiétant, ouais. Petite précision avant que je te laisse la parole, Yacine. Donc les Clermontois, ils sont 4 en équipe de France. Ils étaient 5, mais suite à la blessure de Morgan Parra, donc ils sont plus que 4, à savoir Ituria, Lamera, Vahamina et Grosso, peut-être plus, Slimani. Ah, voilà. Il n'y a pas Rémi Grosso, d'accord. Donc voilà, sont 4, je crois que c'est le plus gros contingent, c'est les Racing Men, ils sont 9, donc c'est impressionnant. Voilà. D'ailleurs, le Racing, effectivement, très en forme. Et moi, en fait, je voulais juste aussi parler de Castres, parce qu'ils sont dans les 6 premiers, encore une fois, qui seront encore une fois très difficiles à bouger hors du top 6. Donc surtout en play-off face à Montpellier. Voilà, certainement en barrage, donc en play-off, à mon avis, certainement aussi. Et encore une fois, on a un triste passé, Montpellier, avec Castres lors des matchs de barrage, que ça a été en quart de finale ou en demi-finale. On n'a jamais réussi à les passer. Donc c'est encore une fois une équipe qui faudra éminemment se méfier en face. Il y a une demi à Lille dont je me suis toujours pas remis. Hein. Ah oui, non, mais ça fait très mal aux prolongations. Ouais. Effectivement. On va passer à la NBA très rapidement. On fera que les résultats aujourd'hui. Donc victoire d'OKC face à Philly 122 à 112. Victoire de Cleveland face à Détroit 121 à 104. Et victoire des Bucks face aux Bulls 110 à 96. C'est leur troisième victoire de rang après le départ de Jason Kidd. Ok, au niveau du classement, je sais pas si tu l'as, moi je l'ai devant les yeux, ça change pas. Comme je disais à Thibaut, c'est un peu le ventre, enfin le moment mou, on va dire, en NBA en ce moment. Les Raptors se rapprochent des Celtics. Et je crois que les Timberwolves sont passés devant les Spurs au classement de la conférence Ouest, si je ne me trompe pas. Non, ils sont toujours derrière. Ouais, derrière, quatrième, juste derrière les Spurs. Ouais. Sinon, la remontée fantastique de OKC avec 8 victoires d'affilée qui est cinquième. Donc la mayonnaise entre le Big Three, George, Anthony, Westbrook, commence à prendre. Anthony qui est en train de un peu se comprendre, un peu plus comprendre son rôle dans cette équipe, et ça fait mal parce que ça fait 8 victoires d'affilée. C'est ce qu'on attend des deux, en fait, c'est de les voir à ce niveau-là. Avec un trio comme ça, c'est un peu, c'est peut-être presque logique. Ouais, c'est attendu, ouais. Mais après, c'était pas non plus très surprenant que la mayonnaise prenne pas tout de suite. C'est quand même 3 joueurs avec un certain ego et un style de jeu pas forcément complémentaire. Donc il fallait attendre qu'ils fassent des matchs et que le collectif prenne au fur et à mesure. Oui, on a tellement dit pour Miami, son Big Three là, avec Bosch, avec Wade, avec LeBron, que c'était si facile parce qu'ils avaient 3 grands joueurs. De voir un Big Three un peu avoir du mal, ça fait aussi du bien parce que ça met en perspective les performances de ce qui s'est passé à Miami, de ce qui se passe à Golden State aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on voulait voir cette équipe d'OKC à ce niveau-là, et ça fait plaisir aussi, c'est de bon augure pour les playoffs. Ok, très bien. Rien à rajouter sur la NBA. Ouais, non. On va prendre plus de temps sur un autre sport qu'on comprend tout de suite, c'est le tennis, forcément, avec l'Australian Open qui a eu lieu cette semaine. Je t'en prie Tim. Bah, comme vous le savez, c'est chez les femmes, c'est Simona Halep Caroline Wozniacki qui a battu Simona Halep en finale, premier grand chelem pour elle, et qui va du coup redevenir numéro 1 mondial. Ça fait un petit moment qu'il y avait eu de matchs entre la première et la deuxième, non? Je sais pas la dernière fois qu'il y a eu 1 et 2 au tennis, mais ouais. C'est ça aurait pu être une question de quiz, mais... Ouais, ça aurait pu, mais non. Je vais regarder. Vas-y, je t'en prie. Et au passage, super match entre les deux joueuses. On sait que le tennis féminin, au niveau qualité, c'est assez fluctuant, c'est très irrégulier, mais en termes de qualité, là, ce match, il a vraiment pu ravir tous les supporters. Et après, Roger, qui s'est adjugé son 20e grand chelem, et qui égale Djoko au passage, 6e Open d'Australie. Ouais. Un gros match également, hein, parce qu'on voyait pas Cilic non plus à ce point-là aller chercher Roger. D'ailleurs, Roger qui y arrivait en finale avec 0-7 perdu. Exact. Donc, vas-y, Dimitri. Je voudrais revenir sur un résultat quand même français. Un double. Victoire de Mladenovic avec Babos, qui s'est dit son deuxième grand chelem en double féminin, pour pas oublier. Permets-moi d'être dubitatif. Hein. Mais si ça peut la lancer sur le simple, tant mieux pour elle. Ouais, mais bon, tu vois, on parle toujours à mentalité française. Je sais pas si t'as vu ce qu'elle a dit. Elle a dit rien n'est noir, j'ai gagné en double, tout va bien. Ça avait tout coupé. Faut pas nous prendre pour des saucissons non plus. C'est voilà. Vas-y, je t'en prie, Romain, tu voulais. Ouais, mais justement, je me demande finalement si on va pas avoir une joueuse qui va être capable de performer maintenant seulement en double. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, c'est bien les doubles, mais effectivement, on aimerait bien voir des Françaises performer en simple et sur les grands chelems. On pouvait avoir des gros espoirs sur elles, et elles pouvaient avoir de belles ambitions, et on a de quoi être déçus, donc effectivement, faut pas nous raconter des salades non plus. Voilà. On peut revenir peut-être sur un peu sur Wozniacki ou même Roger sur la finale qui a eu lieu hier. Je sais pas si des gens ont regardé, sachant que c'était sur en direct et en clair. J'ai regardé une bonne partie du match de Cilic. Qu'est-ce que vous avez pensé du match Roger, moi j'ai vu vers la fin, juste monstrueux. Ouais, j'ai vu les derniers sets, il est juste. Et en fait, il s'est fait débreaker Joko au quatrième set parce qu'il menait 3-1. Joko ? Ouais. Roger, pardon, pas Joko. Attention. Il a mis en difficulté. Attention, c'est ça. Roger s'est fait débreaker il y a longtemps. Ouais. C'est la fatigue. Non, il menait 3-1, puis après il s'est fait remonter, ce qui fait que Cilic a gagné le quatrième set. Et on a quand même vu à la fin du quatrième set Roger devenir très nerveux. Ouais. C'était pas courant sur un court, on l'avait jamais vu quasiment. Dans sa jeunesse, mais. Oui, évidemment, depuis après mais il s'est assagi. Ouais. Il s'est assagi, le violon. Mais voilà, on le sentait stressé par l'enjeu. Et puis après, c'est vrai qu'il a déroulé au cinquième set. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le tournant, c'est ce premier jeu du cinquième set où Cilic a eu une balle de break monstrueuse et il la rate derrière Federer prend le service de Cilic et il confirme 3-0 et après 4-1 et double break après. Après c'est terminé. Ouais. Ok. Rien à rajouter dessus. Est-ce que vous avez eu les larmes quand Roger a eu les siennes d'ailleurs en fin de tournoi juste à la fin quand il fait son petit discours. C'est vrai que c'est assez étonnant de le voir plus émotif qu'il ne l'était avant. Pourtant, c'est un grand acteur maintenant Roger. C'est sa 20e fois qui gagne un grand chelem. Mais à 36 ans, je crois qu'il y a 2-3 ans, on aurait pensé qu'il était vers la pente descendante. Là, on voit depuis un an et demi. Ouais, voilà. Moi, j'ai eu plus d'émotions quand même l'année dernière quand il a battu Rafa en finale. Vraiment, là, tu sentais qu'il y avait un énorme soulagement de enfin réussir à battre Rafa en finale de grand chelem. Là, il y a eu quand même moins d'adversité sur les joueurs qu'il a joué. Et je veux pas dire que c'était plus attendu, mais on savait que Roger était vraiment capable de reconfirmer ça. Donc, pour ma part, j'ai trouvé ça m'a moins marqué, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que la finale l'année dernière, c'était vraiment un grand moment de sport pour tous. Ouais. Après, d'un autre côté, là où je comprends l'émotion et le fait qu'on puisse dire que c'était un grand moment aussi, c'est que c'est quand même un 20e titre du Grand Chelem, c'est symbolique surtout. Ouais, c'est énorme. Et pour un joueur, effectivement, qui faisait toujours autant plaisir à avoir joué, mais sur les dernières saisons, hormis l'année dernière bien sûr, avait l'air d'être sur une moins forte dynamique, et là on peut avoir des espoirs de résultats incroyables. Alors bien sûr, il est au Panthéon chez les hommes, mais il pourrait arriver jusqu'au record de Steffi Graf ou même de Serena Williams. Steffi Graf, elle a 24 je crois. 22 je crois, si je me trompe pas. T'es sûr? Et 23 Serena Williams. Mais mais la première c'est Margaret Court, non? Si je me trompe pas. Sans doute, voilà. Non, mais en tout cas, on sent que. Je crois que c'est 36 Margaret Court et 22. Steffi Graf. Je crois bien. Mais je crois même que le record est à 24. C'est-à-dire qu'il faut en gagner encore 4. Alors, je suis pas sûr qu'il battra le record, mais on sent déjà, qu'il va être à 21. Ans, il va être à 21 en juillet. En principe, ça. Espérons-le. Mais il va faire l'impasse sur la saison terre, hein, c'est sûr. Ouais, comme d'hab. Mais voilà, il a des envies encore d'aller plus loin. Et puis le tournoi qu'il fait, c'est presque parfait. Et effectivement, Cilic a fait aussi un grand tournoi. Il faut saluer la performance. Troisième finale de Grand Chelem quand même pour lui. Hein, D'ailleurs, même dans le quiz, je m'étais planté avec Cilic. J'étais pas si loin, 5-7 en finale, mais toujours pas d'Open d'Australie pour lui. Il avait perdu l'US Open, je crois, face à Roger, non? Il avait gagné Roger. Il avait gagné en 3-7 en plus. Et c'est là où il s'adjuge le titre en 2014. Face à Nishikori. Ok, de toute façon, on va en parler surtout de Federer. Là, on a quand même bien trop parlé. On va parler de Federer, on parlait de Chillers tout à l'heure. Tout à fait. On va passer à notre sport pendant ce temps-là. Et ça va être le sport d'hiver. Romain a fait un bon résumé. Je le connais pour ça. Je te laisse, Romain, sur ça. Oui, un petit retour donc sur les sports d'hiver à maintenant 2 semaines des Jeux Olympiques de Pyeongchang. On sait que côté biathlon, on est vraiment déjà dans la préparation pour les JO. Il y avait des manches il y avait des championnats d'Europe en fait, mais où généralement on retrouve surtout veille de Jeux Olympiques. C'est des championnats d'Europe un peu particuliers. Ça a pu me surprendre où on retrouve soit des jeunes, soit en tout cas par exemple cette année beaucoup de Russes ne participant pas aux Jeux Olympiques. Donc avec d'autres ambitions, et il y a eu des bons petits résultats pour les Français avec notamment des biathlètes qui pourraient être dans le relais, donc sait-on jamais, ça peut être intéressant, avec la médaille d'argent en relais mix donc derrière la Norvège pour Émilien Jacquelin et Julia Simon, et Chloé Chevalier qui a été championne d'Europe de la poursuite. Donc c'est les petits résultats biathlon, mais effectivement on va se concentrer surtout sur les dernières manches de Coupe du Monde en ski alpin qui nous donne un petit peu la tendance d'ici les Jeux Olympiques d'hiver. Il y avait un slalom très important à Schladming, surtout que Henrik Kristoffersen avait battu à Kitzbühel seul Marcel Hirscher sur ses terres. Alors on pouvait se demander si la dynamique était en train de s'inverser, mais il n'en fut rien, sachant que Marcel Hirscher a repris les devants. J'ai vu qu'il a été très en colère, Christophersen, après la course en Autriche sur les terres de Hirscher, parce que pendant sa descente, on lui envoyait des boules de neige. Pendant sa descente, et ça peut gêner surtout à cette vitesse-là. Et donc, j'ai vu qu'à la fin, il commençait à crier sur les spectateurs parce que voilà quoi. Ouais, je pense que les Autrichiens, pas très sport. Hein. Pourtant, une terre de ski, on s'imagine pas des choses qui peuvent arriver, et ça arrive même là-bas. Donc oui, effectivement, Marcel Hirscher qui s'est imposé donc devant Henrik Christophersen, et le Suisse Daniel Yule qui avait déjà fait 3e aussi à Kitzbühel, et donc qui peut être médaillable au JO. Côté français, bah, notez quand même la belle perf de Clément Noël, qui est un jeune pas très connu dans cette équipe de France, mais qui est champion de France du slalom. La semaine dernière, ouais. Dont j'avais parlé, et qui fait 6e, et surtout qui a fait une seconde de manche incroyable, sachant qu'il finit à 5 centièmes de Hirscher qui a fait le meilleur temps. Donc c'est vraiment un jeune qui est capable de tout, c'est-à-dire qu'il va pas se poser de questions, mais il est capable de sortir des manches du niveau d'Hirscher et de Christophersen qui sont pourtant presque intouchable, après à voir s'il sera capable de le faire sur deux manches consécutives. Mais ouais, c'était la bonne perf, et puis c'était un slalom intéressant à suivre parce que c'est en nocturne, alors que souvent le ski c'est plutôt le matin, donc il y avait des conditions assez particulières et une ambiance de feu, mais je savais pas pour ces histoires de boules de neige. Concernant donc les autres résultats, il y avait ensuite les compétitions à Garmisch et la descente avec la victoire du Suisse dont on ne sait pas prononcer le prénom, Beat Feuz. voilà, exactement, c'est pas trop. Qui a été encore un impérial. On va dire Beat, ça serait peut-être mieux. C'est poétique, oui. Et qui est sans doute le favori pour la descente de Pyeongchang, et qui s'impose devant des habitués des podiums en Coupe du Monde, Dominique Paris, l'Italien, et Vincent Krischmeier, encore un Autrichien, le pays du ski alpin. Meilleur français, c'est une nouvelle fois Brice Roger qui fait 9e. Après, il fait beaucoup de top 10, à voir s'il sera capable d'aller plus haut au JO, parce que comme on dit, seule la médaille compte, hein, mais bon voilà, en tout cas c'est un bon résultat pour lui. Et côté slalom géant, Hirscher est décidément assez incroyable, parce que tout comme en slalom, c'est lui qui s'impose à Garmisch pour terminer le week-end devant Manuel Feller, donc un autre Autrichien, et Ted Ligeti, un habitué outsider et un favori, entre outsider et favori effectivement pour cette compétition. Et pour les Français, bon résultat quand même, parce que Mathieu Fèvre a fait 8e, Alexis Pinturo a fait 9e. Juste un petit mot sur Alexis Pinturo. Moi j'ai l'impression qu'il stagne un petit peu. Souvent c'est avant les grands événements. Au championnat du monde l'année dernière, on attendait vraiment les médailles et il s'était totalement planté. Après, moi au final, s'il se plante maintenant à l'inverse sur les manches de Coupe du Monde et que c'est pour nous faire la grosse perte, je prends direct, c'est sûr. Mais il est un peu plus il s'est fait sortir sur certaines manches, il a une certaine irrégularité, il fait 9e alors qu'en géant il était très souvent sur le podium. Après, il faudra voir au JO, ça peut vite tourner. Côté filles, je vais faire vraiment en résumé cette fois-ci. Il y a eu deux géants. Le premier, il a été remporté par Victoria Rebensburg. Je sais que Théo parlait du duel avec Tessa Worley. Tessa Worley, à l'inverse, avait du mal jusqu'à présent et n'avait rien gagné depuis plus d'un an, et là a emporté le dernier géant qui avait lieu en Suisse, et donc c'est sa première victoire en Coupe du Monde de la saison, et donc première victoire depuis plus d'un an. Donc c'est finalement, elle envoie un signal fort aux autres, et c'est ce qu'elle essaie de montrer, de dire même en interview. Et donc justement, côté français, ça fait plaisir de voir une skieuse qui malgré des résultats un peu en dents de scie, qui gagne, fait des efforts pour revenir, gagne et monte ses ambitions. Voilà, c'est sa première victoire de la saison, mais de toute façon, ça va être lui donner confiance. Elle veut faire la médaille et l'or à Pyeongchang. Donc ça, c'est vraiment, c'était vraiment le résultat pour moi côté ski français qui faisait plaisir. En slalom, à noter quelque chose qui est très rare, c'est que Michaela Schifrin n'a pas gagné le slalom. Elle est sortie en deuxième manche à quelques piquets de la fin, mais elle avait quand même remporté la première manche. Et donc c'est Petra Vlova, la Slovaque, qui l'a emportée, et qui est la seule d'ailleurs à avoir battu Schifrin cette année. Une fois à Lévis, dans les règles de l'art, et puis cette fois-ci sur une sortie de piste. Elle n'a plus que 1100 points d'avance. Oh. Ouais. Mais bon, il y a des chances qu'elle se fasse rattraper. Effectivement, elle touche plus terre. Hein. Elle est incroyable. Donc voilà, c'est un peu mes résultats ski. Le point noir, c'est que justement, je parlais de ce slalom. Bah, là, aucune française dans les 30 première carrément. Ouais. C'est la discipline où autant chez les hommes on a une grosse densité, c'était compliqué de choisir les skieurs pour les JO. Là, là c'est le salaire de gagner. Donc okay. L'équipe de France féminine, ce sera Tessa Worley. Chez les hommes, il y aura plus de. T'en parlais la semaine dernière d'ailleurs, et la sélection a été. Elle est tombée jeudi, non ? Est tombée dimanche. À dimanche. Complétée hier. Avec notamment. Bon, je vous dis tout hein, chez les femmes. Donc Barrios, Barté, Baude, Gaucher, Gauthier, Miradoli, Noens, Pio et Worley. Chez les hommes, Claré, Fèvre, Fanara. Gizendaner, merci. Jean-Baptiste Grange, Lise Roux, Mermillou Blondin, Mufa Jandé, Musaton, Noël, t'en parlais, Pinturo, Roger aussi t'en parlais, et Adrien Théo. Voilà, ça c'est l'équipe de France complète de ski alpin. Je crois que t'as pas cité Lise Roux et Grange, non ? Si, tu les as cités, j'ai pas fait attention. Lise Roux et Grange justement, à un moment, il y avait en balance, on pensait qu'il y en aura un des deux qui sauterait, alors que c'est quand même les grands skieurs du slalom français des 10 dernières années. Et puis ils y sont. Non, ils sont à deux. Parce que ça aurait été dommage de ne pas les voir au JO. C'est clair. Ok, très bien. Bon, on va passer. Avant de passer à notre dernier sport avec le handball, je fais quelques autres résultats. Guillaume, il m'a donné quelques résultats boxe, donc je vais les dire. Il y a Mathis, un des plus grands boxeurs argentins de l'histoire, qui a remporté le titre vacant WBA, des poids welter, et Linares, vainqueur en WBA des poids légers. Voilà. D'accord. Je peux pas argumenter autant que lui, mais ouais, pas le même bagou, pas la même connaissance du tout. Ouais. Là, c'est plus ma connaissance puisque ça se passait, on va dire, chez moi, l'Enduropal du Touquet. Je voulais absolument en parler puisque c'est une course très importante nationale, mais surtout internationale, puisque c'est la course la plus longue sur sable au monde. Donc ça a noté quand même. Et donc 7e l'an dernier, le français Milko Potisek s'est imposé dimanche sur les sables donc du Touquet et de Stella. Le pilote de Yamaha a devancé donc le britannique Nathan Watson, vainqueur des 5 dernières courses du championnat de France des sables, et Camille Chapelière, tous deux donc chez la maison KTM. Le belge Damon Martens Yamaha, vainqueur de surprise en 2017, a fini au pied du podium cette fois-ci. Donc voilà. Peut-être d'autres résultats à dire avant de passer au handball ? Non ? Pas pour ma part. Rien de plus, bon, on finit avec le handball, Yacine, je t'en prie. Et donc c'était l'édition de l'Euro en Croatie qui s'est clôturée hier avec la victoire de l'Espagne face à la Suède, 29 à 23. Oui, désolé. Mais bien, tu peux descendre le micro, il faut qu'on t'entende bien. Ouais, c'est nickel. Donc la victoire de l'Espagne face à la Suède, 29 à 23. Donc l'Espagne qui avait sorti l'équipe de France en demi, 27 à 23, vendredi dernier. Donc c'est le premier titre pour l'équipe d'Espagne après 4 finales, en 96, 98, 2006 et il y a 2 ans face aux Allemands de Gensheimer. Donc la victoire des Espagnols a été un peu compliquée à se dessiner. Ça s'est fait en fait dans le dernier quart d'heure, grâce surtout aux arrêts en fait du vétéran espagnol qui est Sterbik, qui est revenu en fait en cours de compétition suite au forfait de Pérez et Vargas, le goal du Barça. L'Espagne finit avec la meilleure défense du championnat. Quant à la Suède, il reste toujours les plus titrés de l'Euro avec 4 titres. Donc l'Espagne, après on s'est aussi longtemps interrogé sur le format de la compétition de l'Euro, puisque la France a fini avec la France a perdu le seul match de la compétition en demi, a fini 3e, tandis que l'Espagne en a perdu 2 mais a été championne. Donc ça c'est le format que beaucoup de personnes voudraient voir modifié. Ah ouais, carrément, c'est discutable. Après, toujours est-il que l'Espagne a fini meilleure défense et on peut reconnaître aussi leur mérite. Hein, sachant que c'est un peu bizarre de faire des phases de poule et d'arriver directement en demi-finale. C'est aussi le système de points qui est cumulé au premier tour puis au second tour, et si tu perds un match ou deux au premier et au deuxième tour, t'es déjà troisième et t'es éliminé. Quant à l'Espagne, ils se sont sauvés sur leur dernier match face aux Allemands et ils ont su négocier parfaitement leur demi face aux Français. Enfin, au passage, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour la demi-finale, il n'y avait pas le match qu'on attendait. Ouais. Je pense que l'Espagne a été meilleure que nous et il faut le reconnaître. En maîtrise tactique, on n'a rien à dire. Et puis le gardien Corrales, le gardien du PSG, qui nous a fait la misère. On n'a pas été assez agressif, je trouve. Après, on est passé à côté. Oui, un petit cocorico parce que Gérard finit meilleur gardien de la compétition. ça aurait été beau, meilleur buteur. Mais... avec un autre pensionnaire du championnat qui est le Norvégien Sagosen de Paris. Donc voilà, Gérard, je pense que c'est mérité. Je crois qu'il a arrêté peut-être 30% des frappes totales qu'a subi l'équipe de France. Donc, Il remplace bien Thierry Omeyer au sein des cages de l'équipe de France. Puis la relève aussi en numéro 2 est assurée avec Cyril Dumoulin, le goal de Nantes. Donc, Il y a affaire en France, hein, que ce soit au football ou au handball, il y a toujours des goals plutôt c'est de qualité. On a de bons gardiens. Et puis la troisième place, il y a vraiment pire pour l'équipe de France, en sachant qu'en plus, c'est pas notre spécialité, quand même, l'Euro. C'est clairement le championnat, beaucoup de personnes pensent que c'est le championnat le plus compliqué, bien devant le championnat du monde ou même les Olympiques, enfin les Jeux Olympiques. Et quand on voit le niveau qui est affiché à partir des demi-finales, on est en mesure de le penser aussi. Ouais, après, déjà, les meilleures équipes sont européennes, quoi. Ah oui, largement. Donc, et puis, fatalement, t'as la crème de la crème. Quand on voit qui s'est fait éliminer au second tour, il y a rien de moins que l'Allemagne qui était championne d'Europe en titre. Ouais. Et la Slovénie. La Slovénie, le Danemark s'est fait battre en demi-finale. La Norvège ne s'est même pas qualifiée. La Croatie a aussi été éliminée de son propre Euro à domicile. Ouais, vraiment, c'était vraiment les quatre meilleures équipes qui étaient en demi. Et ça s'est joué sur une mi-temps. Hein. Enfin, l'équipe de France a été meilleure en deuxième mi-temps. Et ouais. On est totalement passé à côté de la première. Et l'Espagne aussi. C'était dur de rattraper un retard de 9 points tout de même. C'était impossible. Oui, Ils sont remontés à plus 3 à un moment et après, ouais. ça a craqué. Non, c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse densité à l'Euro, plus peut-être qu'au championnat du monde, et c'est ce qui se dit que ce serait une compétition encore plus compliquée. Le format m'interroge un petit peu aussi. Ouais. Après, bon, on peut pas dire que c'est immérité pour l'Espagne, au vu de ce qu'ils ont fait. Et puis voilà, il fallait arriver à sortir effectivement ces Allemands, et ensuite à réaliser les perfs qu'ils ont fait en demi contre la France, et ensuite de gagner cette finale contre la Suède. Mais voilà, c'est vrai qu'on est déçu pour la France, parce que lorsqu'on avait vu les championnats du monde de l'année dernière, et puis quand on est habitué à voir une équipe de France, nos experts, emporter titre sur titre, ben, chaque échec est vécu un peu difficilement. On devient exigeant. Voilà, quoi. Et on devient forcément exigeant. Et je pense qu'eux s'en veulent beaucoup quand même sur cette première mi-temps ou d'être passé autant au travers face à une équipe d'Espagne qui a été supérieure sur le match, mais pas intrinsèquement supérieur, je pense. Et donc c'est un petit peu dommageable. Après, bon, on est allé chercher cette médaille de bronze, on perd un match sur la compétition. C'est ça le très haut niveau et ces compétitions-là. Non, mais bonne nouvelle quand même. Il semblerait qu'à chaque nouveau cycle qu'on démarre, on commence toujours avec une médaille de bronze. Donc il semblerait que... Espérons que ce soit le début d'une très belle génération, mais j'en doute pas un seul instant quand on voit les jeunes qui ont été lancés dans le grand bain. La moitié de l'équipe n'avait jamais été médaillée en équipe de France. Nguessant est monté en puissance avant de se blesser et d'être remplacé après. Porte a toujours été là. Dit quand même, surtout après qui avait fini meilleur buteur du match face au Bélarus. Dipanda. Et qui s'est blessé également. Dipanda, sans oublier. Le meilleur pivot, je crois, des derniers mondiaux, qui était Ludovic Fabregas, qui était forfait pour la compétition. Bonnefond, ouais. Équipe de France qui va arriver aussi. Bonnefond qui va arriver. Avgour qui a remplacé aussi, sans jouer, qui a remplacé, je crois, Nguessant, si je ne me trompe pas. Non, vraiment, la future génération arrive. Elle a déjà été médaillée dans les catégories de jeunes. Et quand on voit l'équipe de France actuelle, enfin le parcours à l'Euro, il est loin d'être dramatique. Ah oui. Une seule mi-temps a été loupée sur 8 matchs. Ouais. La campagne a quasiment été parfaite. Donc il s'agira de rebondir l'an prochain au championnat du monde. Tout est à relativiser, il ne faut pas du tout dramatiser. Sans parler des retraités de l'an dernier. <En plus. rire> Très bien, on va passer à notre première pause musicale. Ça va être donc Kali Uchis, si je prononce bien. Et une rappeuse américaine. Et c'est donc le titre After the Storm, à tout de suite. Eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Come out. Nothing good ever comes easy. I know time. blonde. Call it what you mean. I take it offensive, cause I'm the hottest flower boy that popped up on the scene. Feeling better, better than ever, cause your umbrella, umbrella. Sun is beaming on me like headlights beaming on Bambi. Now let's pretend the street is a room and you are a Camry. Cause you drama candy, the Tito to my Randy. Now let's produce some thrillers, my chocolate with your vanilla, The sun will come out. Retour sur Sport & Chill, c'était Kali Uchis avec le titre After the Storm. On passe tout de suite au Sport Montpellier. Sport & Chill, le sport montpellier. Là, tu vas pouvoir en parler plus de foot puisque tu as vu ce match et donc la sévère, la débâcle du MHSC 4-0 contre le Paris Saint-Germain. Ce qui fait que Montpellier n'est plus la meilleure défense de France. C'est Paris la meilleure défense maintenant. Du coup, c'est Paris qui est passé la meilleure défense du championnat. Dure. Et notamment un record pour Edinson Cavani avec 157 buts, meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Tu voulais peut-être nous parler un peu du match en soi. Si je devais résumer ce match, les Parisiens ont été trop forts. Techniquement, ils ont encore été impressionnants. Montpellier a joué toujours avec son bloc bas contre les grosses équipes. Ça avait marché sur la phase aller contre Monaco, Lyon et Paris, mais là à domicile Paris est tout simplement imprenable. Toutes les passes sont dans les pieds, quand on voit les transmissions, la fluidité dans le jeu, Montpellier ne pouvait tout simplement pas rivaliser. Ils ont 2-3 occasions, mais c'est plutôt des frappes lointaines, largement supérieures dans tous les domaines. Paris, t'avais l'impression qu'ils jouaient à 80%, Neymar qui marchait sur tout le monde dans ce match, une démonstration quoi. Ouais, d'ailleurs Neymar quand il joue un match, quand il décide de jouer, c'est incroyable. Puis surtout face au niveau, je pense aussi de technique. On parlera des autres championnats ensuite de la Ligue 1. Il se fait plaisir quoi. C'est clair. Et puis je pense qu'il a aussi franchi un cap. Bon après voilà, à Montpellier aussi, il y avait j'étais à l'autre match, donc le match de Coupe de France dans les jambes. Je sais pas s'ils sont allés avec de grosses ambitions à Paris. Mais dans tous les cas, même si effectivement ils étaient allés avec des grosses ambitions, ils auraient sans doute pris quasiment la même volée. Puisque les deux meilleurs du club et les deux latéraux n'étaient pas là, donc Roussillon et Aguilar. Ils étaient pas là, mais d'ailleurs tiens, je suis presque surpris de cela parce que je pensais que c'était bien deux joueurs qui auraient été alignés par Der Zakarian à Paris, parce qu'ils n'étaient pas titulaires non plus en Coupe de France. Aguilar est rentré en cours de match. Comment c'est un peu cramé, on va dire. Économie. Roussillon était blessé, non? Roussillon est blessé, je crois. Il est annoncé incertain pour le match de Monaco mercredi, donc je pense que Roussillon est blessé. Je pense que c'est pas un vrai choix. C'est possible. Mais c'est vrai que pour Aguilar, il faudrait qu'il se repose un peu, car on le voit toujours actif sur son couloir depuis le début de saison. Et à mon avis, le voir un peu souffler, ça serait pas mauvais. Parce qu'en plus, dans le système de Der Zakarian, il fait piston, il enchaîne les allers-retours, c'est hyper fatiguant. Surtout que le match important peut-être pour Montpellier, c'est ce mercredi contre Monaco en Coupe de la Ligue, pour aller chercher une finale. Oui, clairement, Montpellier, ils font une bonne saison de Ligue 1. Ils savent aussi qu'ils pourront pas non plus aller chercher, à mon avis, très haut dans ce championnat. Je pense qu'objectivement, on va tous être d'accord autour de la table pour dire que si on finit entre 7e et 9e, c'est super. Dire 8e quoi. Voilà, moi je signe tout de suite. À l'inverse, ça leur laisse aussi la chance, alors qu'on avait peur en début de saison vraiment de jouer le maintien, de pouvoir jouer les coupes à fond avec une équipe quand même qui est solide. Après, qu'il y aura deux matchs de coupe très difficiles à jouer parce que c'est Monaco en demi-finale de Coupe de la Ligue à Monaco Lyon à domicile, mais c'est Lyon en Coupe de France dès les 8e de finale. Ça arrive très vite, Monaco après mercredi et Lyon dans deux semaines. Et ça sera pas le Lyon de la Coupe de la Ligue. Non, ouais. Ça sera pas l'équipe des primes de Lyon, à mon avis. Non, non. Ce sera une autre équipe de Lyon, parce que Lyon, une fois, pas deux. Lyon ne va pas aller plus loin donc en Coupe de la Ligue. On a les demi-finales, c'est donc Rennes PSG et Monaco Montpellier. Je vois pas Lyon faire l'impasse sur cette Coupe de France, même si les objectifs seront sur l'Europa League et la qualification. Ouais, non, il a une équipe compétitive. La qualification directe, être en Champions League en allant chercher la seconde place en championnat. Ouais, mais il n'enverra pas en tout cas la même équipe dès les huitièmes de finale à Montpellier, ça c'est clair. Après Montpellier, effectivement, pour revenir sur eux, ils ont des coups à jouer cette saison. Ils ont une certaine ambition et ils ont vraiment des bons petits joueurs de ballon. Alors certes, c'est Skiri qui fait une bonne saison. Ouais, moi je trouve aussi, notamment voilà, au milieu de terrain, c'est assez intéressant. Skiri est très bon défensivement, mais offensivement, mais c'est une catastrophe. Ouais, c'est pas la sécurité. J'ai une question. Mais qu'est-ce qui récupère des ballons? Qui va remplacer ces saignons parce qu'il est bardé. Pas de remplacement. Nicolas, il m'a contacté là, je vais voir. Pas de remplacement puisque ces saignons étaient prévus comme un numéro 10 et puis Montpellier ne joue pas avec des numéro 10, voilà. C'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est pour ça que c'était plus vraiment intéressant pour ces seniors. Après, bon, j'ai été un peu surpris quand même de. Il a des problèmes fiscaux. Fiscaux, pardon. Il y a des problèmes fiscaux en France. C'est un peu grâce à cause de ça. Il va amasser la caillasse, quoi. Parce qu'il s'est perdu dans un club, je connaissais même pas le nom, 15e du championnat turc, quand même. Oui, il doit avoir un salaire très intéressant, je pense. Une ville avec sport derrière, comme d'habitude, oui. Bah, ça explore. Jean-Claire Kliby ou un nom terrible comme ça. Mais oui, après, je crois qu'il y a eu une petite recrue, mais bon, j'ose pas dire que ça va être le remplacement de ces saignons. Pour avoir un milieu de terrain supplémentaire, je crois qu'il vient du club de Montréal, en tout cas, oui. Du Canada. Non, c'est comment il s'appelle ? C'est un défenseur gauche. Onyango. Onyango. Ah non, oui, c'est pour. Quoi, excusez-moi, c'est pour faire doublure à Roussillon qui partira sans doute à la fin de la saison. Mais non, Montpellier a des joueurs intéressants et que j'ai pu voir s'exprimer forcément plus que ce qu'ils font en Ligue 1 avec en plus le dispositif de jeu qu'ils ont en Coupe de France où là, ça a été surprenant parce qu'on ne verra pas autant de buts à la Mosson à chaque fois. Lorient est une équipe joueuse de Ligue 2 et ils l'ont mis 4-3. Donc c'était un match très intéressant. Ouais, c'est vrai que tu as choisi un bon match là parce que 7 buts à la Mosson, ça avait pu arriver depuis 2006. Je sais pas si je vais y retourner d'ailleurs parce que je risque d'être vite frustré. Mais ouais, non, c'était un match intéressant. Et puis je voulais revenir aussi, juste pour terminer sur le MHSC, sur Isaac Mbenza, qui est un joueur pour le coup. Ils sont peu à être intéressants, je trouve, offensivement à Montpellier, mais lui il l'est. Il faudra compter sur lui en tout cas pour mettre quelques petits buts intéressants. Alors c'est pas un peu de réserve sur ouais moi aussi je suis un mais, peu mais cette ça. Année au passage les jeunes de Montpellier sont très très suivis par les grands clubs européens apparemment, notamment ouais. Même Mukiele, le défenseur qui apparemment est quand même courtisé, prisé par de grands clubs européens. Aguilar aussi comme disait les ah, est-ce aussi que, est-ce que tu as vu les clubs européens ou... aussi je les ai pas vus non. Il a l'AS Roma, et je sais plus ce qui c'est l'autre club, mais c'est un club pas non plus un gros club européen. Bon, c'est l'AS Roma, c'est solide. Non, mais voilà, c'est un club plutôt solide, mais pas. Pas New Manchester City, United ou. C'est top class, c'est rien quand même. La Roma suit Montpellier depuis qu'ils ont pris à l'époque Mapu Yangambiwa. Oui, grosse réussite d'ailleurs là-bas. Ça a été un succès absolu, hormis son. Il a marqué un but face à la Lazio et ça suffit. Ouais. Donc voilà. Joueur surprenant d'ailleurs parce qu'il était vraiment excellent avec Montpellier et il s'est totalement perdu et il cire le banc à Lyon et on peut comprendre qu'il cire le banc alors que c'était un très bon joueur. Montpellier est en tout cas une belle équipe et peut avoir des ambitions plus sur les coupes et puis s'ils font 7-8ème on sera content. Ok, l'autre club c'était Leipzig. Voilà. Et puis au début il y a Chelsea qui est venu quand même voir pour Mukiele, donc là Chelsea c'est un peu plus voilà. Au niveau du classement, le MHC est 7ème avec 31 points, 3 de retard sur Nice et 6 sur Nantes qui est 5ème. Prochain match, donc c'est mercredi, on en parlait, en demi-finale de Coupe de la Ligue à Monaco. Et ce samedi, donc c'est la réception d'Angers en Ligue 1. Au niveau du MHSC féminin chez les filles, victoire 2-0 donc, contre l'ASPT Albi en Coupe de France. Donc. Score quasiment donc, minimal pour les MHSC en 16e de finale de Coupe de France féminine. But de Valérie Gauvin et de Manon Ufren. Les 8e de finale auront lieu le dimanche 11 février et c'est tombé aujourd'hui. Elles joueront à l'Olympique de Marseille. Au niveau du MHR, victoire sur le fil. Donc des rugbyman 30-29 à Clermont, donc à Marcel Michelin quand même. Donc même si Clermont est en méforme, un score plutôt intéressant pour gagner Michelin, oui. Et donc sur un essai de Nadolo à la toute fin, à la dernière minute. Est-ce que vous avez à réagir sur ça? Moi, honnêtement, je n'ai pas vu le match, donc je ne peux pas réagir plus là-dessus. Effectivement, je n'ai pas vu le match, mais j'étais quand même surpris de ce succès. Alors certes, on est sur une autre dynamique en top 14 qu'en Coupe d'Europe, mais l'ASM, c'est quand même, surtout à domicile, vraiment une institution, malgré toutes ses blessures. Et puis... lorsque j'avais pu voir la performance contre le Leinster, et puis j'avais revu vraiment les faiblesses de Montpellier dans le jeu et puis en termes de cohésion d'équipe, je pensais pas forcément qu'on arriverait à faire un coup, à rebondir de suite, je veux dire en gagnant à Clermont. Mais match remarquable pour le coup de Montpellier, qui menait d'un point à la mi-temps, 17-16, et qui l'emporte 30-29. Donc c'est exactement ce qu'il fallait réaliser, trois essais. Dont deux de Picamol, c'est ce que j'allais dire. Donc bon retour pour Picamol aussi, qui ne sera pas en équipe de France. Donc bon, on aura le mérite de le garder de notre côté. Mais aussi, voilà, il y avait visiblement une idée pour Jacques Brunel de lui faire un peu un électrochoc, parce qu'il attendait mieux de ses performances. Et c'est vrai qu'on peut attendre mieux d'un top player comme il est. Et en tout cas, là, il a répondu vraiment sur le terrain. Et puis Nadolo, qui peut parfois diviser au MHR, c'est quand même un joueur qui fait les différences au bon moment. Cet essai à la 79e en témoigne. Très bien, prochain match le 17 février à l'extérieur face à Oyonnax. Donc 17 février, un petit bout de temps étant donné que le Six Nations est de retour. Puis il me semble que le calendrier est assez favorable pour Montpellier les prochains matchs. C'est pas des grosses équipes qui arrivent. Je l'ai pas sous les yeux, mais je peux pas te dire en profondeur sur ça. Au niveau des coccinelles, donc chez les filles en rugby, oui, ça vous fait rire toujours. Hein, désolé, ce petit rictus à chaque fois. Moi, je trouve ça sympa, je trouve ça mignon. C'est mignon. C'est un peu décalé pour le rugby, c'est pour ça. Ouais, carrément. Donc, ouais. Pas de match donc ce week-end. Prochain match dimanche 4 mars à domicile contre Bobigny. MHB, donc trêve internationale avec les championnats d'Europe de hand. Le BLMA, ça ne réussit toujours pas. Et ça commence à avoir une spirale très négative, puisque les Gazelles, cette fois-ci, donc, s'inclinent face aux championnes de France en titre, Villeneuve-d'Ascq, ce samedi à domicile, sur le score de 52 à 57. Des regrets pour donc, les Gazelles qui ont mené toute la rencontre avant de craquer dans le Money Time. Au classement, le BLMA recule et se place donc 7e sur 12. On espère donc une réaction du côté de Latte, puisque la spirale négative commence à durer. Les Gazelles recevront cette semaine Ekaterinbourg en Coupe d'Europe, donc ça risque d'être encore très compliqué à les gagner, même si c'est à domicile. Et même surtout, c'est terminé pour elles, puisque c'est le dernier match en Coupe d'Europe et elles sont dernières du classement. Elles iront donc surtout à Tarbes, les cinquièmes du championnat ce week-end, pour essayer de repartir de l'avant en LFB, donc en championnat. Au volet, comme au match aller donc, et comme en barrage l'année dernière, le Mavuc se fait surprendre par Nice, encore une fois, défaite 3-7 à 0. Montpellier reste cependant à la place qu'il était, avec la 6e place et dernière place qualificative pour les playoffs. Prochain match mercredi à domicile pour les 8e de finale retour de Coupe d'Europe. C'est contre une équipe biélorusse, je l'ai pas en tête, mais c'est un nom, c'est Souligorsk ou quelque chose du genre. Un sombre nom. Hein. Sachant qu'au match aller, ils ont été gagnés là-bas, donc 3-7, hein, si je me trompe pas. Et ce samedi à domicile, donc, la réception de Tours, 3e du championnat. Donc, gros match en perspective ce week-end. Au futsal, il n'y avait toujours pas de match au futsal, puisque c'est le début des championnats d'Europe de futsal en Slovénie. La France, d'ailleurs, se retrouve dans le groupe D face à l'Espagne, une grandissime favorite de futsal, et face à l'Azerbaïdjan. France-Espagne, ou Espagne-France, du coup, ce mercredi, et France-Azerbaïdjan ce vendredi. À noter que pour ceux qui sont fans de futsal, c'est sur l'équipe 21, la chaîne L'Équipe. Les Espagnols seront beaucoup devant le match, les Français un peu moins, mais ça a le mérite d'être regardé pour être déjà allé voir un match de futsal justement du MMF. Du MMF, franchement, c'est intéressant. Première participation de l'équipe de France en championnat d'Europe de futsal. Donc voilà. Contrairement à 11, je crois, participations pour l'Espagne. Ouais. Pas forcément le même rodage. On part pas du même point, c'est déjà bien de se qualifier. Il y a une petite dynamique qui se crée. Et donc pour le MMF, prochain match le 3 février à domicile, donc il y aura aussi des doublons. Du coup, contre Toulon, les deuxièmes du championnat. Donc, ça va être costaud également en futsal. Avant-dernier résultat, donc le MWP, le water polo. C'était la Coupe de la Ligue ce week-end et c'est un peu comme le handball, ça se joue, il y a trois matchs pendant un week-end, où il joue les quarts, demi et finale. Et donc suite à sa victoire en quart de finale face à Aix-en-Provence vendredi, puis en demi-finale samedi face à Douai, le MWP affrontait hier en finale son éternel rival Marseille. Un air donc de déjà vu puisque ce fut la même rencontre qui clôtura la Coupe de la Ligue en 2017, soldée par une magnifique victoire de Montpellier. Cependant, donc, ce week-end, c'est une défaite de Montpellier en finale et de justesse. Je vous parle juste très rapidement du résumé du match. Les deux équipes donc, n'étant pas là pour faire figuration, se sont livrées à un match sans merci et très serré. Le MWP n'a pas su se mettre en partie dès le début du match, ce qui a permis donc à Marseille de prendre l'avance 2-0. Ensuite, c'est une succession de buts des deux côtés, avant se rattraper à la mi-temps à 5-4 pour Marseille, et égalité même à la troisième période, 9-9. Mais à chaque fois donc, que Montpellier égalisait, c'est Marseille qui surenchérissait de plus belle. Malgré une supériorité numérique pour Montpellier, les joueurs n'ont pas réussi à égaliser avant le dernier coup de sifflet, et donc défaite 12-11 pour Montpellier en finale de Coupe de la Ligue face à Marseille. Donc Montpellier cédera donc ce titre cette année et finit donc deuxième en 2018, et je crois que Aix-en-Provence est troisième. Donc dernier résultat, c'est les Vipers donc en D2 de hockey. Dernier, bien qu'il reste donc un dernier match de saison régulière face à Chambéry, je crois qu'ils sont premiers. Les Vipers s'assurent de la troisième place au classement suite à leur victoire 3-0 face aux Ours, donc c'est Villard de Lens. Prochain match et donc dernier match, comme vous l'ai dit, de la phase régulière le 10 février à la patinoire Vegapolis, donc à domicile, pour la réception du premier ou du deuxième, ça vérifie. Donc c'est Chambéry. Après, ça sera les playoffs. Voilà, tout est dit pour Montpellier. Je tenais juste à préciser, j'ai regardé un peu le calendrier du MHR en revenant sur le rugby. Oui. Oui, alors le calendrier est assez favorable jusqu'au début du mois de mars, on va dire du 10 mars jusqu'au 10 avril. Le calendrier est terrifiant pour Montpellier. Ça sera le Racing, Toulouse, Castres, La Rochelle et Toulon. Ah oui, voilà. En un mois, il y aura les 5 matchs les plus importants. non, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que pendant un mois de mars à avril, c'était le calendrier le plus terrible, mais que pour le mois de février, ça irait avec Oyonnax, Bordeaux, Bègles et Agen. Pour en prendre des points, sans doute. Oui, il faudrait capitaliser là-dessus. Ouais. Nickel. Il faudra être sans doute premier à la sortie pour rester dans le train. Pour les 2-3e places. Voilà, pour les meilleures positions. Et juste du coup, tu me fais penser que le hockey sur glace, généralement, j'ai jamais de résultat hockey sur glace, mais tu parlais de la Coupe de la Ligue au waterpolo, mais j'ai vu qu'il y avait la finale de la Coupe de France et que c'est Lyon, pour le coup, ma nouvelle ville bientôt ancienne. Ta ville adoptive. Voilà, exactement. Qui l'a emporté, donc c'était à Paris, 2-0 face à Gap. Je sais que Gap, c'est une des grosses équipes au hockey sur glace en France, donc belle perf des Lyonnais qui sont donc vainqueurs de la Coupe de France de hockey sur glace. À noter, hein. Il l'a posé, voilà. Il a été dans sa vie, finalement. Grande originalité, d'ailleurs, les Lions de Lyon. Hein, c'est vraiment, bon. Ouais, on est dans la redondance, hein, dans le pléonasme. Voilà, il y a une cohérence. Ouais. Ok, on va passer tout de suite à notre débat de la semaine. Jingle. Sport and chill, le débat de la semaine. Pas de soucis, hein. on y arrive au débat de la semaine. Et donc notre débat de la semaine, c'est notre comparatif, si on peut appeler ça comme ça, entre deux grands championnats, peut-être deux des plus grands championnats au football. Ça, c'est encore à vérifier pour certains. Non. Entre la Liga, donc la Ligue de football espagnole. Il se développe. Surtout avec ses seniors maintenant. Ouais. Et la Première Ligue, donc la Première Ligue anglaise. Bah, on va commencer par domaine, je vous l'ai envoyé à tous. Et notre premier domaine, ça serait donc le meilleur public, ou plutôt le meilleur cadre, c'est-à-dire le stade ou quoi que ce soit, entre ces deux championnats. Est-ce que... Deux choses différentes déjà, d'ailleurs. Mmh. Bah, oui. On est d'un côté sur les supporters, de l'autre des socios. Oui, non, ça c'est clair. Non, mais ils ont déjà commencé à. On va je voulais pas du tout être arrogant à quoi que ce soit. Ça débat déjà sur ton premier point avant que tu puisses tous les citer. Non, mais j'ai mis ça dans la même partie, étant donné que ça fait partie un peu du cadre du football. Si vous voulez, on va commencer avec le meilleur public. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire au meilleur public? Moi, des fois, je serais tenté de dire oui. Je suis désolé, autant il n'y avait pas de discussion possible jusque. Peut-être il y a 5 ans en Angleterre, avec une très large majorité pour le public anglais. Autant actuellement, j'ai l'impression... Britannique, attention. Britannique. Il y a des Gallois. Oui, très bien. Il y a des Gallois qui nous écoutent, excusez-nous. Mais à coup de pas. Et il y en a d'autres aussi également. Et mes sympathies au peuple gallois. Je pense que vous serez assez d'accord en disant que moi, j'ai l'impression, en regardant les matchs, que désormais, peu de stades en Angleterre maintenant font office de bastion des chants traditionnels anglais qu'on a l'habitude d'écouter, qu'on a l'habitude de connaître. Et c'est souvent des stades, en fait, comme Stoke, comme Swansea, etc., qui chantent très fort. Et on arrive même des fois de voir Brighton aussi cette année. Voilà, on arrive même des fois des institutions comme le club de Liverpool. Liverpool, etc. Le stade d'Anfield, des fois, ne chante pas, par exemple, alors qu'on était accoutumé à les voir chanter du début à la fin. Donc, à côté, on voit le championnat espagnol où, en effet, certains publics peuvent paraître froids, mais d'autres publics sont très chauds, comme le public de Séville ou le public de Bilbao. Le stade de Sanchez-Pizjuan, par exemple, est connu pour être très chaud. Et ça se voit surtout pendant les derbies avec le Betis. Donc moi, ouais, le plus beau derby d'Espagne, sans problème. Voilà, donc moi, je serais plutôt tenté de pondérer un peu ce jugement qui aurait été, en effet, il y a 5 ans avant, avec une majorité écrasante pour les Anglais, quoi. Une réaction à ça. Ouais, je suis assez d'accord avec Yacine, même si tout le monde sait que je suis plus pro Liga que pro Première Ligue. Là, j'essaye d'être objectif au niveau du public. Les publics britanniques sont connus pour être des très grands publics de foot, mais moi j'ai l'impression que ça s'est globalement un petit peu endormi. C'est la gentrification qui veut ça. Après, effectivement, il y a quand même un phénomène, c'est que. Le prix des abonnements aussi. Le prix des billets, c'est hors de prix en Angleterre. Clairement. Ouais. Très clairement. Et puis, il y a quand même une dynamique différente que soulignait Tim au début, c'est. Quand même, malgré tout, en Espagne, il y a des socios, alors que ce sont des supporters, des véritables supporters britanniques. Et donc, effectivement, ce qui a tendance à ne pas faire connaître les grands publics espagnols à tous les amoureux de foot, c'est que lorsqu'on voit le foot espagnol par le Real et le Barça, effectivement, un match Real-Barça, même un match Real-Barça, ce n'est pas forcément une ambiance terrible. Et pour être déjà allé à Santiago Bernabéu, et avoir eu vent du Camp Nou, ce sont pas des stades avec une très grosse ambiance. C'est des stades impressionnants et ça vaut le coup de le découvrir, mais il n'y a pas de supporters vraiment fameux. Déjà, il n'y a pas de corps. Par contre, que ce soit, voilà, je pense à Séville, Bilbao ou encore, voilà, je ne sais pas si ça a un peu changé. Métropolitano. Je crois que le Wander Metropolitano est vraiment très... Mais c'était le cas à Calderón, et pour y être allé, c'était la plus belle ambiance de foot que j'ai jamais vue, et il y a des supporters assez incroyables, et là, tout le stade chante, par exemple, à Madrid pour Atlético. Juste pour préciser pour nos auditeurs qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la différence entre un socios et un supporter ? Ouais, les socios, c'est vraiment particulier en Espagne, c'est-à-dire que socios, c'est abonné en espagnol, tout simplement, et donc ce sont eux qui, par exemple au Real Madrid, c'est le cas, qui jouent sur le choix de la direction, c'est-à-dire que les socios ont l'occasion de pouvoir voter pour le renouvellement de la présidence du club, et donc éventuellement sur des décisions qui peuvent être prises. Donc ils ont une grosse influence sur vraiment le quotidien du club, sur ce qui s'y passe, et ils sont très impliqués sur le club. Par contre, on a tendance à dire que les socios sont des suiveurs, des amoureux de football et de la technique, de ce qui se passe sur le terrain, mais ils ne sont pas forcément très animés par la ferveur. En tout cas, c'est très intérieur, ils ne chantent pas particulièrement, alors que des vrais supporters, c'est plus des spectateurs de football. Amoureux du beau jeu. Contrairement aux supporters. Et les garants de l'institution aussi. Et les garants de l'institution, effectivement. Très bien. On va passer donc au stade plutôt cette fois-ci, du coup, très rapidement, puisque c'est pas une question primordiale dans ce débat. Les meilleurs stades entre la Liga et la Première Ligue pour vous, sachant qu'en Espagne dernièrement il y a eu des avancées, des stades tout neufs avec à Bilbao, nous sommes Mamès et San Mamès, ou au Wanda, on en parlait juste avant. Ouais, il y a des nouveaux stades qui sont, je pense, des beaux écrins là, de football. Et puis s'il n'y a pas d'ambiance, aller au Santiago Bernabéu, c'est quelque chose. Aller au Camp Nou, bon, je suis jamais allé pour du foot. Je suis allé pour la finale du Top 14. C'est pas une grosse ambiance. Il y a pas une grosse. Mais là, on parle plus de l'ambiance. Maintenant, on parle du stade. Du stade en soi. Donc il y a des enceintes quand même énormes. Après, pour autant, c'est vrai qu'en Première Ligue, il y a, je trouve, des enceintes aussi magnifiques. Et puis qui ont une histoire derrière. Ultra Ford notamment. Incroyable, notamment Ultra Ford. Je pense que la Première Ligue au niveau du stade est un coin dessus, parce que Ultra Ford, Anfield, déjà, c'est que c'est de là, les ambiances aux alentours, la protection. Malheureusement, ces stades vont peut-être perdre de leur histoire en Première Ligue, puisque Ultra Ford va être rénové pour passer à 90 000 places. D'ailleurs, c'est le projet de Manchester United. White Hart Lane, on en parlait avec Tottenham, donc eux changent complètement des stades, puisqu'ils sont à Wembley cette année, mais ils vont avoir un écrin tout neuf bientôt. Chelsea qui veut aussi construire un nouveau stade et sortir de leur écrin Stamford Bridge. Ça fait jugé trop petit. Est-ce que c'est pas triste de voir c'est malheureux parce que c'est des stades mythiques, vraiment. Tout ça, c'est les stades qui ont fait la réputation de la Première Ligue à ce niveau-là. Donc, ça avait commencé avec Highbury. C'est vraiment dommage. Ouais, Highbury, c'est. Et ouais, c'est le pouvoir du foot business. Il faut attirer plus de monde, faire plus d'argent. C'est un drame, quoi. C'est comme si demain le Barça se disait qu'il fallait rénover le Camp Nou. Ça reste des stades exceptionnels. Enfin, Il faut arriver à garder cette authenticité aussi parce que... Le seul qu'on peut admettre, c'est peut-être Manchester City qui est parti de son petit écrin de Main Road. Je me rappelle à l'époque les petits stades là-bas pour se doter d'un stade vraiment... à l'image, du projet du club. Quoi. Mais à un moment donné, les clubs aussi sont confrontés à différents paramètres. Il y a aussi la volonté pour certains clubs de s'ancrer toujours plus dans l'UEFA en répondant aux normes 5 étoiles des stades de manière à accueillir après des finales et aussi de concurrencer certains grands clubs qui sont dotés il y a quelques années d'écrins magnifiques. Et très technologique, je pense, oui. Qui devient super rentable. Au Juventus Stadium, maintenant qu'on appelle l'Allianz Stadium, qui a rapproché. En fait, on a fait un pari avant l'émission. On a dit à partir de quand il va nous parler de quelque chose de Serie A. Mais non, voilà, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une volonté en fait de copier ce modèle de supprimer les pistes d'athlétisme et de rapprocher toujours plus le public du terrain en soi. Et en effet, c'est super pour l'acoustique, c'est magnifique de couvrir aussi les stades d'un toit. Je crois que le projet aussi avait été le cas pour le Barça, pour le Camp Nou. Et pour en revenir au stade anglais et espagnol, j'ai l'impression que oui, l'Espagne est en train petit à petit de refaire son roster. On a eu le nouveau Saint de Mamès qui est magnifique, le Wanda Metropolitano qui est superbe aussi, et le stade de Valence qui était prévu pour 2017 et qui est encore en chantier jusqu'à 2020 ou 2021, faute d'investisseurs, etc. Je pense que petit à petit, l'Angleterre va, à mon avis, refaire son retard pour l'instant, lorsque les nouveaux stades de Tottenham et de Chelsea seront livrés. Mais pour l'instant, l'Espagne a pris un léger avantage pour moi. Ok, je supprime la question le meilleur palmarès. Je pense que c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, ça va être la meilleure adversité pour vous entre les deux championnats. Est-ce qu'il y a plus d'adversité, est-ce que c'est plus compliqué de gagner la Première Ligue ou d'aller gagner la Liga? Ça me semble difficilement concevable qu'on me dise il y a plus d'adversité en Liga. Je peux l'entendre dans le sens. Pourtant, au niveau européen, les clubs espagnols sont plus présents que les clubs anglais. Sauf cette année où justement il y a un renouveau des clubs anglais sur le championnat européen. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le championnat espagnol, il y a vraiment deux monstres qui impulsent la dynamique de la Liga. C'est un peu moins le cas cette année parce que le Real est beaucoup moins fort. Mais en Première Ligue, qu'on le veuille ou non, c'est là où il y a le plus de densité. Si on regarde les 6 premiers et même des équipes dont on parle pas beaucoup, je pense par exemple à Burnley qui fait une très bonne saison. Palace, Everton. Voilà, généralement habitué à des... Voilà, et même des petites équipes. Enfin, chaque match en Première Ligue est vraiment difficile. Et quand on voit le wagon qui est devant les 6 premières équipes, donc Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, ça fait 7 même du coup, parce qu'il y a les deux, il y a deux Manchester. C'est incomparable pour moi. Ouais, mais c'est normal parce que quand vous voyez des équipes comme Watford, Everton, vous voyez des joueurs, la profondeur d'effectifs. On voit certains joueurs comme je parlais de Lefeu qui en partant s'il semblerait pour Watford, qui est remplaçant au Barça alors qu'on pensait qu'il en allait faire confiance. Je pense à un Chicharito qui était meilleur buteur de Bundesliga, qui est sous la liste de cancer à West Ham. Sengtozun qui a martyrisé Monaco en Ligue des Champions. Il vient de signer à Everton. Il vient de signer à Everton pour 58 millions. Alors que le Besiktas est en 8e de finale des Champions. Tu te demandes pourquoi il allait à Everton. Ouais, c'est vrai que du coup, il jouera pas au 8e de Ligue des Champions. Donc, les clubs anglais, même Swansea qui est dernier de Première Ligue, a les moyens de se payer un joueur comme Nico Gaitan qui est remplaçant au Real Atlético Madrid. Ouais, mais pourquoi ça? C'est les droits télé de différents. Ça c'est autre chose. Mais faut savoir au niveau de la densité, il y a une plus grande densité en Première Ligue, ça c'est incontestable. Mais je trouve que ces dernières années, dire que la Liga se résume à deux monstres en tête, c'est quand même aussi quelque chose de tronqué. Parce que il y a l'Atlético qui a quand même fait des gros parcours européens. Et, finaliste deux fois. Et même en Liga, puisqu'ils l'ont remporté il y a 3-4 ans. Mais après, il y a encore des grosses équipes. On voit Valence cette année. Et après, il y a des équipes qui sont pas faciles à jouer. Les Bilbao, les Celta Vigo, c'est quand même. C'est sûr que c'est pas un 7e du niveau d'Arsenal, sans doute en Première Ligue. Mais c'est quand même pas des équipes faciles à manier. C'est pas des équipes faciles à jouer. Je pense qu'il y a une densité plus importante ces dernières années en Liga. Et à ce niveau-là, je pense que la Liga grignote un peu son retard sur la Première Ligue. Et que si ça continue dans cette optique-là, il faudra faire attention parce que je trouve qu'aussi l'écart se creuse entre les gros de Première Ligue et les petits, alors que en Liga, il est toujours aussi important, mais les plus petits se rapprochent mine de rien et la densité est en train d'être augmenté au niveau de la Liga. Avant de te donner la parole, Dimitri, je voulais juste faire un petit point droit télé. Je ne sais pas si ça a changé, vous me direz. Je sais qu'en Espagne, c'est souvent par rapport à la performance qu'on a nos droits télé, c'est-à-dire que il y a des années, c'était à un peu plus de 5 ans, où le Barça et le Real se partageaient plus de la moitié des droits télé en Liga, tandis qu'en Première Ligue, ça a toujours été comme ça, enfin toujours, depuis un petit moment, où les droits télé sont partagés équitablement entre toutes les équipes. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être moins d'écart en Première Ligue qu'en Liga, et que peut-être des équipes qui sont en bas de tableau, comme Swansea ou même West Ham cette année, arrivent à concurrencer ou arrivent à proposer un niveau un peu plus dur aux équipes favorite. Ben écoutez, le promu de Championship gagne 200 millions d'euros pour être promu en Première Ligue. En Ligue 2, on ne voit pas ça. Non, mais c'est les doigts TV sont un gouffre. C'est un gouffre incomparable. Il y a une différence, c'est que, par exemple, au niveau des spectateurs, il y a quand même plus de spectateurs en Championship qu'en Ligue 1, par exemple. Ah ben, bien sûr, il y a beaucoup de remplaçage, ça n'a rien à voir. Le championnat européen qui a le plus d'influence, c'est le championnat allemand. Pourquoi la Première Ligue Pourquoi tu dis ça déjà, je comprends pas. Oui. Parce que les droits télé, il y a des 200 millions mais est-ce que tu as dit avant pourquoi le championnat allemand est celui qui a le plus d'influence, je comprends pas. C'est d'influence au niveau des spectateurs. D'influence, d'accord. Pour moi. Plus d'influence au niveau des spectateurs, parce qu'il m'a dit que c'est par rapport à la Première Ligue. Première Ligue, Liga, Proco, hein. Voilà. Et Championship 4ème, je crois que 4ème c'est Serie A et 5ème Championship, 6ème Ligue 1. Oui. Moi je pense qu'à mon avis la différence entre les droits télé espagnols et anglais, c'est jouer à l'ouverture plus rapide des droits télé anglais au marché asiatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Espagnols ils s'y sont mis un peu plus tard. Allez, au début évidemment il y avait le Real et le Barça, mais ils ont commencé à se partager le gâteau du marché asiatique uniquement il y a 2-3 ans maxi, alors que les Anglais faisaient ça il y a déjà 10 ans, et que c'est ce qui explique aussi le fait que le 20e de Première Ligue touche au moins 200 millions de budget. Soit et plus puis, que Première Ligue. Hein. Voilà. Et je pense qu'aussi en matière de diversification du merchandising, la Première Ligue est encore plus compétitive. Bon, sur le marché asiatique, la plupart des maillots sont Real et Barça, alors qu'en Première Ligue, c'est beaucoup plus varié. Tu as non seulement Manchester United, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham. Tu as une plus grande variété de maillots. Puis, à mon avis, les produits dérivés aussi sont plus conséquents du côté britannique, ce qui explique les montants astronomiques monstrueux qui sont négociés avec le marché mondial de télédiffusion. On peut revenir très dernièrement sur l'adversité. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que peut-être au niveau de la première partie de tableau, ça semble un peu peut-être équilibré, c'est-à-dire il y a des équipes fortes des deux côtés, peut-être pour mais sur le championnat en lui-même, peut-être des équipes faibles en Espagne sont quand même beaucoup plus faibles que des équipes anglaises. Je suis déçu quand même pour la Liga, parce que je pense à un club comme Séville là qui cette année a complètement perte de vitesse. Je pense surtout à un départ de Monioki pour la Serie A, et qu'on voit Séville en ce moment qui empile les joueurs et qui ne sait pas quel projet aller, donc ça a l'air de s'écraser. Ou un autre club, Valence, qui heureusement qui commence à revenir tel un phénix sur le devant de la scène, mais pendant 2-3 ans c'était le ventre mou de la Liga. Après, les équipes espagnoles, les équipes espagnoles jouent, j'ai l'impression, jouent quand même mieux que le 12e du championnat espagnol, joue mieux avant la Ligue que le 12e de Première Ligue. Après, ça, c'est la qualité du jeu produit. Effectivement, ça nous amènera peut-être à faire le lien avec la suite. Je te laisse faire le lien avec la suite, avec le style de jeu. Mais je te laisse. C'est-à-dire que moi, je considère qu'en Première Ligue, il y a une très forte densité des premières équipes de championnat, et puis des équipes, ce qui est peut-être moins vrai pour la Liga, face auquel les gros peuvent tomber à des moments qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des équipes, mais aussi peut-être, moi je pense que c'est aussi dû à la dimension physique de ce championnat et aux capacités tactiques aussi de certaines équipes lorsqu'elles jouent les grosses équipes, de pouvoir faire des coups avec des équipes effectivement de milieu de tableau de Première Ligue capables de faire tomber des gros. Hein. Je pense à une équipe comme Stoke City qui régulièrement depuis quelques années arrive à faire des gros coups contre Crystal Palace, eux c'est les spécialistes, pourtant mal classés. Donc ça, c'est vrai que c'est une spécificité, et je pense qu'on retrouve relativement moins en Liga. Par contre, là où moi je rejoins Yacine, c'est sur peut-être la qualité technique personnellement que je considère en Liga, qui m'avait marqué aussi, ne serait-ce que lorsque j'étais il n'y a pas beaucoup de droits télé, la deuxième division espagnole en termes de niveau de jeu m'avait assez bluffé, notamment face à notre vieille Ligue 1 et sa seconde partie de tableau. Real Valladolid. Voilà, mais je pense au Real Valladolid, mais effectivement, j'avais eu l'occasion de découvrir une équipe comme Gérone, maintenant passée en première division. Ça sort plutôt bien. Et qui s'en sort d'ailleurs plutôt très bien, et qui avait déjà une très bonne qualité, et puis contre des équipes vraiment qu'on a l'habitude de voir qu'en Coupe du Roi, je les ai découverts, et avec une qualité technique assez remarquable. C'est pour ça que du côté de la densité et de l'adversité, elle peut paraître plus importante en Angleterre, mais aussi dû à ces équipes au niveau différent, mais qui sur un match peuvent amener à des choses assez imprévisibles et sympathiques. Par contre, en Liga, je pense que même des équipes moins connues qui sont aux alentours de la 8e jusqu'à la 15e place cette année, la Real Sociedad est 15e, sont meilleures très probablement que les équipes aussi mal classées du championnat anglais. D'accord. Mais une réaction justement donc sur le style de jeu, peut-être tu vas réagir sur ça. Je pense que c'est même un fait, c'est assez objectif de dire que les équipes en Espagne jouent mieux que, enfin intrinsèquement au niveau du jeu qui est produit, si on parle vraiment de l'aspect technique comme on le connaît sur l'essence même du football, les équipes espagnoles jouent mieux que les équipes de première ligue. Mais après je pense qu'il y a un fait qu'il faut pas négliger, c'est que en première ligue c'est devenu un championnat hyper attractif international au rayonnement, c'est le championnat le plus regardé au monde, et il y a énormément d'étrangers en première ligue, alors qu'en Liga il y a quand même moins d'étrangers, et je pense qu'il y a une identité espagnole qui est plus marquée, d'où le fait que il y ait ce jeu de passe, ce jeu de possession comme on le connaît, ce qui a fait la spécificité du Barça qui a ensuite été réitéré. Après bon, par exemple à l'Atlético on a eu un autre registre prôné par Diego Simeone, mais globalement les équipes espagnoles aiment bien prôner ce jeu, alors qu'en première ligue c'est un peu plus fouillis, c'est un peu plus diversifié. Moi justement je voulais agir sur ça, on en parlait juste avant avec Tim. C'est peut-être un jeu un peu plus moins élégant qu'en Espagne en première ligue, mais moi ce que j'aime dans la première ligue c'est surtout le fait que les matchs à un moment soient décousus. C'est-à-dire qu'il y a du show à un moment, c'est-à-dire qu'il y a plus c'est tactique. C'est plus du football, c'est spectacle. C'est du spectacle, on dit. C'est peut-être aussi pour ça que les droits télé sont plus importants. Ouais, exactement. Au niveau du foot anglais, c'est qu'il y a des moments dans un match, il va y avoir un quart d'heure, 20 minutes, où ça va aller d'un but à l'autre, et ça va être 20 minutes de pur régal, parce que c'est du football spectacle. On oublie tous les aspects tactiques, et on va droit au but, et voilà, on réfléchit pas plus loin que ça. C'est vrai que c'est une autre conception du football, c'est plaisant à voir. Après, c'est deux paradigmes différents. Chacun a sa vision du jeu à proposer. Très bien. On n'a plus rien à rajouter. On va finir sa dernière question, mais très rapidement, puisqu'on va être un petit peu en retard sinon. Le meilleur avenir, dans ce que je parle dans le meilleur avenir, c'est quelle est la ligue qui va se sublimer dans les années à venir, donc à courte durée. Moi je sais que j'en ai parlé également un petit peu avant, c'est que en première ligue on a de moins en moins d'anglais, et donc je commence à me faire un peu de soucis pour cette première ligue où on sait que quand même dans un championnat avoir des joueurs de son pays, enfin du pays du championnat est tout de même important. On ils arriveront à compenser, je pense, avec l'argent qui brasse. Déjà, ils arriveront à compenser en allant chercher les pépites ailleurs. Est-ce que l'argent ne va pas tout ruiner en fait. Par contre, ça peut être très problématique pour la sélection anglaise. Qui l'est déjà totalement. Mais à ce niveau-là, je pense que l'Espagne a une, deux, voire trois longueurs d'avance au niveau des centres de formation et des joueurs qui jouent dans le championnat. Quand on voit que les clubs basques peuvent faire des équipes tout à fait performantes, rien qu'avec des basques, c'est assez intéressant. Mais je pense que la première ligue en elle-même, elle arrivera quand même à compenser par l'argent son manque de talent, entre guillemets, qui sortent des clubs anglais. Mais sortir sur un avenir, c'est quand même compliqué à se prononcer. C'est dur à dire en termes de prévisibilité. Moi, je rejoins Thibaut sur ce qu'il a dit. En effet, même si on peut constater une toute petite amélioration du nombre de joueurs anglais formés qui jouent dans les clubs de première ligue, c'est très rare, mais ça commence petit à petit parce qu'on a connu certaines époques où il n'y avait quasiment aucun anglais sur la feuille de match, ni en titulaire, ni en remplaçant, ce qui était dramatique. Il me semble que quand Chelsea gagne la finale des champions, il me semble que sur le terrain, sur les 11 joueurs, il n'y a aucun anglais. Je crois qu'il y a peut-être Ryan Bertrand de mémoire. La dernière finale contre le Bayern en 2012, il y a Ryan Bertrand qui est titulaire, mais c'est le seul de l'effectif, je crois, qui est anglais. Et depuis, je crois qu'il y a une législation anglaise qui a été adoptée par la fédération qui contraint les clubs à avoir un certain quota de joueurs formés au club et britanniques. C'est des gifs en fait à la football. Quoi. Voilà, mais bon, ça c'est infinitésimal comparé à ce que je rejoins Thibaut encore une fois sur le fait qu'il y a au moins 2-3 classes d'écart des clubs espagnols. Tu citais Bilbao ou la Real Sociedad qui ne fournissent que des joueurs espagnols et basques, quasiment. Oui, c'est, ce sont des jeunes du CRU qui jouent, qui ont l'identité du club, de la région, du pays. Puis c'est pas des joueurs lambda qui sortent. C'est pas des joueurs lambda, c'est des joueurs qui sont sélectionnables, qui peuvent, qui fournissent un contingent de moins de 2-3 sélections à l'équipe espagnole. Donc oui, à mon avis, bon, il n'y a pas d'avenir qui peut se dessiner, qu'on pourrait comparer, mais pour moi, l'Espagne est largement devant pour le moment. Non seulement parce qu'aussi les Britanniques ne s'exporte pas beaucoup, on dit très du mal à pouvoir s'exporter. Même pas de joueurs, on va dire presque. Les flux sont intra-Angleterre. Quoi. Un joueur qui joue dans un club moyen de première ligue, 8 fois sur 10, il va aller dans un autre club anglais. Et c'est très rare quand il veut quitter leur terre. Je pense très attachés. Justement, on parlait de transfert, je crois qu'il y a une rumeur Liverpool qui voudrait céder Sturridge à l'Inter de Milan, mais bon. Ça me paraît hypothétique parce que vous parlez de Liverpool. On parle de Chan à la Juve aussi. Liverpool qui a une attaque de feu. Vous pouvez parler de Sturridge. Sturridge qui est sur le banc. On peut parler de Liverpool en, oui, en profondeur. Mais... Solanke aussi, grand espoir attaquant anglais qui fonctionnait beaucoup chez les jeunes, qui a signé à Liverpool cet été. On disait pareil de Bereaino. Le problème aussi du foot anglais, c'est qu'ils ont des espoirs qui n'arrivent pas à confirmer. On voit des Oxlade Chamberlain, des Théo Walcott, ils ont stagné toute leur carrière, on a l'impression. Alors il y a les exceptions, Harry Kane et Dele Alli qui arrivent c'est quasiment les deux seuls. Rashford et Lingard. Parce que Stones encore, je trouve pas. Lingard et Rashford, oui, c'est des bons joueurs, mais il leur manque quand même encore ce palier pour être les joueurs qui vont porter l'équipe d'Angleterre. Ouais. On va voir cette année en Champions League. Je voulais juste relever un dernier point. Pour conclure, parfait. Ouais, c'est quand on regarde ces deux championnats, dire que finalement on est à un moment un peu paradoxal, parce que comme on en discutait, autant la Liga paraissait nettement au-dessus sur les dernières années, mais quand même, ce qu'on regarde beaucoup quand on est amateur de foot, c'est le niveau européen. Et là, on est à une année où, à l'inverse, les clubs espagnols se sont un peu effondrés. Et les clubs anglais sont en train de renaître et sont capables de réaliser vraiment un gros coup. 5 clubs en 8e. En Ligue des Champions, déjà, 5 clubs en 8e et capables d'aller même très loin dans cette compétition avec certaines équipes. On peut penser à Manchester City, même si pour le moment, c'est un autre débat. Ils n'ont pas encore confirmé au niveau européen. Et à l'inverse, on a quand même cette impression que, sur la durée, l'Espagne garde cette longueur d'avance, notamment du fait de ses joueurs espagnols et du fait aussi de clubs dont on parle peut-être moins, qui sont moins merchandising justement. Genre Atlético Madrid typiquement. Voilà, mais même du coup un petit niveau, je pense à des clubs comme Villarreal, comme Séville, Valence, qui va redonner de l'élan aussi avec des joueurs de nouveau sélectionnés aussi en équipe d'Espagne et qui font que cette Liga risque d'être en tout cas plus porteuse d'avenir de ce côté-là, même si à court terme peut-être que ces clubs espagnols vont être moins performants en Coupe européenne et les Anglais vont avoir peut-être leur moment pour frapper très fort. Ouais. Très bien, on va terminer là-dessus, on va faire notre deuxième pause musicale qui est Isaiah Rashad. Exactement. Et donc c'est le titre Food for Tonight. I was singing my song. Cooking soul. I'm like a rolling stone, and I'm the shit player. But don't flush your cologne, and I hope you smell me. But it's Polo cologne, slamming doors like I got an attitude or something wrong. It's like I'm switching cars the way I got them, holding on to every word I spit like I got a lisp, and then it's hella strong. Kicks like that kid and play this off a house party, and you niggas look gay like Jesse McCartney. And to be real, it wouldn't be logic to fuck with me, cause we on some Adele shit, we be rolling deep. Your girl get mad when I pass and I don't even speak. Probably cause I got all up inside of what's behind the teeth. I need a piece at least if I can add a whole cake. Cause I be going on in like a young Drake. Yeah, you probably didn't get that. Like money? Yeah, you probably didn't get that. I'ma keep it real cause some liars don't do that. And I'ma blow because I seen a fucking fire do that. And I'ma take a trick, magicians be like, how you do that? And I be killing beasts and rappers be like, why you do that? Bitches say I'm clean and I don't even try to dress. I can fuck her though, man, I ain't even trying to sex. I got another man and I ain't even trying to text. A strong armor dude and I ain't even got a flex. I spit profound shit that I can never lose. And I was better than half these dudes back in middle school. And I remember days like this, tapping out the whole world with a pen in my wrist. Freestyling in class, I bet the teacher was pissed. I probably should have paid more attention, yeah, slick. But bitch, I probably wouldn't be like this no more. I think I signed the box and they ain't let me back in that hole, damn. Yeah, lounging with my feet up. Them lame motherfuckers drop their faces when they see us. We can play pretend them niggas still couldn't be us. Back in Chattanooga, still couldn't Tennessee us. It's conflict when I'm writing these rhymes. Trying to fit my whole life up in 32 lines. But I keep it real, this how it happened. The government gon' try to do me in like Fred Hampton. A Black Panther, let's keep it real from the Hamptons. They penny saving, minimum wage is some shit. Plantation, slaves to the modern day, swimming Frank Ocean. Guns waving, guns blazing, filling in the holster. All they need is some cake like a fucking hostess. At the table, can't eat, grab a fucking hostess. Put my back against the wall like a fucking poster. Put my money on the table like a fucking coaster. Who's better, you's better, it's fucking bogus. I got your bitch up in my sheets like a fucking toga. Positions is some shit, sexual yoga. Master of that pussy, sexual Yoda. Jedi, mind tricks, watch that nine dip. That's food for thoughts, nine clips. De retour sur Sport and Chill. C'est Izia Rashad, c'était Izia Rashad, et donc c'était le titre Food for Tonight. On passe tout de suite à notre parole est au chiller, jingle. La parole est au chiller. On va laisser rapidement, aller assez rapidement, pardon, sur la parole est au chiller. Ça va commencer à aller sur Roger Federer, on en a parlé un petit peu. Donc ouais, tu vas juste en parler comme tu veux. Ouais, un petit peu répéter parce que il n'est jamais. Ouais, on en parle jamais assez de Roger Federer. Je peux juste te faire de manière résumée qu'est-ce qu'on peut attendre de lui en 2018. Allez, je t'en prie. En 2018, le point d'interrogation, c'est est-ce qu'il va refaire l'impasse sur terre. Moi, je pense que oui, pour essayer d'aller chercher un autre Wimbledon. Les records qu'il peut aller chercher, c'est gagner 10 fois un même tournoi. Il peut le faire soit à l'E, soit à Wimbledon. Il a ensuite le record dont on a parlé avant, celui de Steffi Graf. 10 fois à Wimbledon ? Je crois qu'il a 8. Oui, il a 8, mais ce que je veux dire, c'est que personne n'a jamais gagné 10 fois un même tournoi. Ouais. Et il me semble qu'à l'E, il est à 9. Ouais, c'est possible à l'E. Donc à l'E, il peut gagner 10 fois. À Bâle, il ne doit pas être très loin. Il lui manque ensuite Monte Carlo et Rome, je crois. Je crois que c'est les deux seuls Masters 1000 qu'il n'a jamais gagné. Donc il a ça pour 2018. Et après l'autre point d'interrogation, c'est est-ce qu'il va aller tout faire pour chercher la place de numéro 1 qu'il a plus occupée depuis 2013, je crois. Bah là étant donné qu'il y a très peu de points de Nadal. Il a 150 points de Nadal. Et je crois que Nadal, je crois que c'est Vincent qui m'avait dit ça, a un tournoi à défendre là dans la semaine qui arrive. Acapulco, s'il va pas en demi, Roger sera numéro 1 mondial. Ouais, voilà, donc je pense qu'il va aller en demi. Ouais, bah sachant qu'il s'est blessé, est-ce qu'il peut faire quelque chose jusqu'en demi, on ne sait pas. Voilà, mais il faut qu'il ait un minimum de perdre. Ouais. Ouais. Voilà. Donc Wimbledon en priorité, je pense pour lui, à l'E parce que il vient de faire une interview à l'équipe. Sponsor avec Mercedes, forcément. Ouais, automatiquement. Il vient de faire une interview à l'équipe où il a dit là, je vais me retirer un petit peu du circuit pendant quelques temps. Bon, je pense qu'il va se réveiller juste pour Wimbledon. Hein. Mais je pense qu'il a fait raison. Un peu comme la saison dernière. Exactement. En fait. Hein, ça lui donne raison à 100% pour l'instant. C'est assez logique parce que l'année dernière, ça avait surpris pas tout le monde, hein, bien sûr, parce qu'on connaissait ses raisons. Mais il y avait certains qui pouvaient être un peu déçus de ne pas le voir. Mais quelque part, quand on voit ce qu'il a fait derrière, on se dit qu'il a fait le bon choix. Et qu'il aurait tort de ne pas faire le même cette saison. Il a un physique de quelqu'un de 36 ans, c'est pas quelqu'un qui a 25 ans plus. Nadal devrait faire peut-être pareil, parce qu'il se plaignait des blessures justement un peu trop en répétition, mais en même temps il joue toute la saison et vraiment tous les tournois. Donc peut-être à lui de peut-être faire une impasse peut-être sur herbe. Peut-être faire un peu moins de tournois sur terre. Il est pas obligé, il en fait beaucoup, je trouve, sur terre. Il se dépense peut-être un peu trop. Et c'est là où même il les tournois américains, genre Cincinnati ou l'Indian Wells, c'est vrai qu'il fait beaucoup de tournois. Même l'année dernière, il se blesse à Paris-Bercy, alors qui fait 2-3 tournois avant, il met son physique à rude épreuve. D'autant plus que c'est le roi de la terre battue et qui est la surface la plus exigeante. Donc c'est presque effectivement surprenant de le voir faire autant de tournois alors qu'il a déjà à se concentrer sur une partie très difficile. Ok, on passe à du tennis encore avec Simona Halep. Et là, je sais pas si c'est du coup de cœur ou coup de gueule. Tu m'avais dit coup bah, de je voulais gueule. Juste t'encourager à gagner son premier grand chelem, c'est tout. C'est-à-dire, en fait, j'aurais pouce, fait quoi. Non, mais j'aurais pu faire un coup de cœur comme ça pour Wozniacki si elle avait perdu la finale. Mais c'est juste que là, ça fait au moins 4 ans qu'Halep tourne autour. Elle est toujours très proche. C'est à la Roland, je crois, non deux finales face en 2014 face à Sharapova et l'an dernier face à Ostapenko. Ouais, exact. Où elle perd toujours en 3-7, elle remporte la deuxième et puis elle craque lors du dernier. Elle est jamais trop loin, en plus elle perd le Masters aussi face à Serena Williams il y a 3 ans aussi. Elle a toujours été 3e, 2e, en plus elle faisait depuis octobre dernier, depuis sa victoire face à Caro Garcia à Pékin, qu'elle était numéro 1. Puis là il y a Serena qui va revenir, donc c'est compliqué pour voilà, elle fait un tournoi quasi parfait. Bon là évidemment, comme on l'avait dit, c'était une des rares fois où on assistait à une confrontation entre la numéro 1 et la numéro 2. Et là bon, elle perd... Voilà, elle aurait pu perdre comme elle aurait pu gagner, voilà, ça s'est joué à très peu. Elle avait recollé à 4-4 au dernier set et puis après elle perd. Donc, contrairement à Roland, elle fait quand même un vrai match là. À Roland, elle est vraiment passée à côté de sa finale contre Ostapenko, où là on s'est dit c'est pas Ostapenko qui a gagné, c'est Halep qui a perdu. Là, elle a fait son match. Wozniacki a été meilleure. Bon, elle a moins de regrets à avoir que sur d'autres finales, quoi, sur celle-là. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, en plus, voilà, elle a quand même un palmarès qui est assez étoffé en tournoi hors grand chelem. Elle a, je crois, que 16 titres à son palmarès. Il lui manque juste vraiment un grand chelem pour franchir ce cap et pour entrer dans les grands. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, courage à Simona. Très bien. Simona, si tu nous écoutes. On passe à notre troisième coup de cœur cette fois-ci, donc avec le snowboard français. Voilà, je profite de la parole de Tochillers pour dire ce que j'ai pas dit dans ma partie résultat à sport d'hiver. Parfait. Il rebondit celui-là. Je rebondis sur le pragmatisme, c'est incroyable. Exactement. Non, mais je trouvais que c'était l'occasion. Des fois, on parlait d'autres sports. On a parlé d'ailleurs avec un collègue de team à l'occasion de surf, et parler de cette fois-ci de snowboard, qui est une discipline dont on parle beaucoup moins, qui est nettement moins visible aussi, ne serait-ce que quand on lit la presse sportive. Sur leurs résultats, je peux vous dire que pour les trouver, il faut fouiller un petit peu. Et pourtant, on a la chance en France d'avoir vraiment une belle génération et de toute façon un beau vivier depuis que cette discipline est devenue olympique de snowboarders et snowboardeuses. Et donc voilà, montrer que en plus ce week-end, ils ont véritablement performé, qu'on avait fait des médailles à Sochi, que c'est une discipline où, sauf cataclysme, on devrait refaire des médailles et donc effectivement encourager à suivre le snowboard, surtout que je pense que c'est vraiment des compétitions super intéressantes aussi. Et on parle de sport spectacle, c'est pas mal à voir, c'est pas mal voilà, à voir, c'est très sport spectacle pour les géants, voilà. Et donc le half pipe notamment, c'est vraiment chouette à regarder. Ouais, quand même le snowboard cross là, c'est donc une course là, de surtout en snowboard cross d'ailleurs en France on est très solide. C'est au snowboard ou au ski qu'on fait 1 2 3 C'est en ski cross. On fait 1 2 3 à Sochi, mais on avait fait des médailles aussi en snowboard cross. Ouais. Et justement on en a certains là qui ont bien performé ce week-end, sachant que Pierre Voltier, qui a été champion olympique et champion du monde d'ailleurs, l'a emporté, et je crois que c'est sa première victoire cette saison. Et côté au niveau des filles, c'est Charlotte Banks qui est française malgré son nom de famille, qui remporte aussi l'étape à Bansko en Bulgarie, donc à 2 semaines des JO, c'est vraiment des bons résultats. Oui. Et puis certes on a vraiment Pierre Voltier chez les hommes qui domine, je veux dire, et on n'a pas vraiment d'autres snowboarders qui fonctionnent bien, enfin au même niveau, un peu comme Tessa Worley en ski alpin chez les filles. Par contre, il y a vraiment une densité chez les filles en snowboard, avec Charlotte Banks qui l'a emporté, mais troisième c'est Nelly Moen Lokoz et Chloé Trespoche fait quatrième. Donc ça fait quasiment 1-2-3, justement, t'en parlais. Donc on peut leur souhaiter que la plus grosse réussite aux JO de Pyeongchang. Très bien, on va passer maintenant à deux coups de cœur ou deux coups de gueule basket. On va passer au début, on va faire les Sixers avec un coup de cœur, je suppose. Ouais, un coup de cœur sur cette équipe de Philadelphie, parce que pour deux points. D'abord, c'est que en ce moment de la NBA, elle tourne sur une ère du small ball. Donc pour résumer, c'est que c'est des équipes avec des joueurs à l'intérieur au poste 4 et 5 de pivot et d'ailier fort, qui sont pas des très grands comme ont pu l'être des Abdul-Jabbar ou des Olajuwon dans le passé. On se retrouve avec des joueurs qui auraient plus joué sur des postes d'ailier avant, qu'ils se retrouvent à jouer ailier fort. Et bien là, les Sixers, ils vont à l'encontre de ça, un peu à l'image des Pelicans, puisqu'ils jouent avec deux grands dans la raquette. Ils jouent avec Joel Embiid et Dario Saric. il joue même avec un meneur qui fait presque 2 mètres en la personne de Ben Simmons. Et c'est quand même bien de revenir à ses fondamentaux du basket, enfin aux fondamentaux pas forcément, mais de revenir à une forme un peu plus ancienne de basket et de voir cette équipe jouer comme ça. Et pour autre chose, c'est pour la jeunesse et l'insouciance de cette équipe. J'en prends pour exemple leur dernier match contre OKC. Ils sont allés jouer ce match avec toute l'envie qu'il fallait. Ils sont rentrés dans cette équipe, Russell Westbrook, Paul George, voilà, ils les ont joués comme pas comme toutes les équipes de la NBA. Ça a été un match hyper spectaculaire, ça a été vraiment un match très beau à voir. On en prend pour exemple le poster de Joel Embiid sur Russell Westbrook. C'est vraiment, cette équipe, elle est insouciante, elle fait plaisir à regarder, et je pense que c'est vraiment une des équipes à suivre. Si la mayonnaise continue de prendre, avec les talents qu'il y a, ils peuvent faire de grandes choses dans les prochaines années. Donc vraiment. On sent que l'équipe te plaît. D'accord. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Tu veux terminer avec ton coup de gueule, ouais, cette fois-ci. Coup de cœur, coup de gueule. Ben justement, moi, je vais à l'encontre de mon collègue Thibaut, parce que justement, Dario Saric, ce n'est pas tellement un intérieur poste 4, c'est plutôt un style DJ Widdick. Moi, je veux vous parler de Marcus Cousins, qui est un poste 4, ce qui est le meilleur poste 4 de la NBA. C'est un plus un 5, Cousins. Oui, mais il est plus... C'est l'homme à tout faire des Pelicans, qui s'est blessé la semaine dernière au rupture du tendon d'Achille. Donc il faisait les rebonds au moins la semaine dernière, il a fait 44 points, 24 rebonds et 10 passes décisives. Ça ne s'est jamais vu depuis 1972, un triple double, donc juste monstrueux. Les Pelicans sont en course pour aller en playoff, ils étaient 6e avec le duo Anthony Davis Cousins. C'était justement la parfaite réponse au small ball, aux équipes qui jouent avec des joueurs de petite taille assez rapides, alors que eux, c'est des joueurs de grande taille qui savent tirer à 3 points, mais qui savent à l'intérieur, justement, avec un jeu intérieur monstrueux. Mais avec la blessure en fin de saison de ce joueur, pour que les Pelicans voient les playoffs en fin de saison, ça va être très compliqué. Donc, Tu voulais peut-être réagir. Moi, je suis d'accord. C'est vrai qu'on a tous les gens qui suivent la NBA espérer voir cette équipe en playoff, notamment des Marcus Cousins, parce qu'on avait l'impression qu'il avait un peu atteint la maturité. Il faisait des gros matchs. Il était moins foufou que ce qu'il a pu être dans le passé. Donc, on rêvait de le voir en playoff. Cette blessure, elle lui fait très mal parce qu'en plus, c'est une rupture d'un tendon. Donc, faudra voir comment il va revenir. Mais donc voilà, du coup, c'est dommage pour lui. On aurait aimé voir ses Pelicans. Mais je pense que justement, puisqu'on peut pas voir, on pourra pas voir ce duo en playoff tout de suite, il faut s'intéresser aux Sixers pour revenir sur eux. Mais ouais, c'est vraiment dommage pour Boogie, parce que c'était vraiment sa saison et que ça aurait pu faire quelque chose de magnifique en playoff. Très bien. Bon, on termine là-dessus, on va sans tarder passer au quiz. Jingle. Sport, vous rapprochez un peu, les gars. Chill, le quiz. Je parlais en même temps, mais je dis est-ce que les Thibaut et Romain peuvent se rapprocher, parce que on est 5 dans l'émission. Donc, si vous, est-ce que vous voulez faire à deux ou bande à part? Vous pouvez faire bande à part, hein, comme vous voulez. Comme tu veux. Bon, on est capable de faire équipe, hein, tu sais. Hein. Ouais, non, mais c'est vous jouez. Après, on a un nombre. C'est comme vous voulez. Hein, comme vous voulez. On a un ampère là, du coup. Non, ça dépend de la vie des collègues. Non, ouais, bon, comme vous préférez. On verra, on va commencer en équipe, et si on est devant. Non, mais ça, et si mon collègue est trop nul, je vais être tout seul. S'il y en a un qui sort de l'eau, je dirais que c'est ma victoire. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on commence justement par les NBA. Ah. Petite musique qui fait peur, si tu as Arnaud, parfait. Merci à la technique, hein, toujours réactive, très rapidement. En NBA, donc, rapidité. Carmelo Anthony rentre dans un cercle très fermé. 25 000 points en carrière. D'accord. Ouais, je l'ai accordé à Thibaut parce qu'il avait levé le doigt, il voulait être sympa en plus. Et devient donc le 21e joueur de NBA dans ce groupe. Qu'a-t-il dépassé ce week-end comme barre symbolique? Donc 25 000 points en NBA. Et donc 21e joueur à l'avoir fait très rapidement. Donc, qui est le premier de ce classement? Le nombre de points? Ouais. Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar, pardon, avec 38 387 points, suivi de Karl Marlowe. Et celui-là, c'est vraiment. Et Kobe qui est troisième. Record, vraiment. Ah ouais, équivalent des records de Jimmy Connors en tennis. Hein. Je mets 2 points, Thibaut. Tu veux faire équipe avec Thibaut ou pas, Romain, cette fois-ci? Ça m'encourage. Je dirais pas le contraire. Hein. Ça peut-être encourager encore plus le duo puisque c'est question top 14. Rapidité, c'est une question très rapide. Si je vous dis le chiffre 10, top 14, Lyon, Lyon. Lyon, 10 essais. Ah, 10 essais, ouais. Nombre d'essais de Lyon sur Agen, record en cours cette saison avec le plus d'essais d'une équipe dans un match. Record à battre pour les amateurs. 10 essais, c'est pas mal. C'est vrai qu'en plus, à une époque, on avait beaucoup de matchs parfois avec de l'écart à 70-80 points. Là, ouais, c'est très rare. Donc, quand j'ai vu ce score, j'ai totalement halluciné. Et triplé d'ailleurs de Baptiste Couillou, le demi de mêlée du Loup. Le passe, hein, il le place. Un score vintage. Rapidité toujours. Aucun joueur n'est plus grand que notre club. Qui a sorti cette banderole et pour qui? Dortmund, par rapport à Aubameyang. Aubameyang. Je mets un poids chacun parce que j'ai demandé qui a sorti et pour qui. Ah. Donc Dortmund pour Dimitri et pour Aubameyang à Yessine. C'est ça donc les supporters de Dortmund. On aura le bol, hein, je crois, son transfert. Ouais, se fait, je pense que ça, pas, va, ouais, ça va se faire là, d'ici peu. Arsenal, donc il avait sorti cette banderole. Attention, là, je suis très fier de cette question. Parce que il faut que vous écoutiez, le moindre mot dans cette question. Hein, parce que c'est important. En football donc, rapidité, quel joueur a fait un match de gala ce week-end contre West Ham en marquant un doublé? En FA Cup. Will Grigg. Will Griggs, en effet. Le célèbre Will Griggs, le nord-irlandais. Will Griggs on fire. Will Griggs on fire, qui était un titre de... De gala. Donc il a fait un match de gala, c'était ça, fait la petite blague. Ah ouais, non mais attends, il faut le chercher, hein. Tout le monde n'est pas capable de faire cette blague. C'était pas mal. Hilarante. Donc voilà, Will Griggs qui a marqué donc un doublé face à avec Wigan. Ouais. Donc ils sont en Détroit, Wigan, pour éliminer West Ham. Qui avait gagné la Cup en 2013, Wigan, face, ouais, à City. Face à City. Ouais. Donc point pour Yacine, pour Will Griggs. Question plus longue en tennis. On va faire un tour de table. Et ça va être comme l'autre fois, c'est-à-dire vous aurez le droit à une réponse chacun, d'accord? Si vous avez tort, vous êtes éliminé. Ok? Roger Federer, avec 20 titres en Grand Chelem, a battu 12 adversaires différents en finale de Grand Chelem. Qui sont-ils? Tu commences, Tim. Je dois donner le nom des 12 Non, tu donnes un. Puis après, on fait le tour. Ah, d'accord. Je vais essayer d'en sortir un improbable. Raonic. Non. Jamais Raonic. Il a jamais fait de finale contre Raonic. Pas Wimbledon, il a... Non. Ok, merci Tim. Merci Tim, ouais. Yacine, t'aurais dû jouer safe, je pense. Alors là, je vais la jouer safe, mais c'est pas le plus connu. 2009, Roland Garros, Söderling. Il a oublié celui-là. Robin Söderling. On va prendre encore plus safe, Rafa Nadal. Rafael Nadal. Mal, là, quand même. On peut participer à deux, donc. Oui, mais si tu veux que j'en donne un autre nom pour le mettre en difficulté, je peux. Vas-y. Mais il y en a un facile, toujours pas dit, Marin Cilic. Je fais le mec prétentieux, et voilà. Est-ce que on peut refaire comme l'autre fois, mais bon, Romain n'a pas été réintégré au jeu, on peut réintégrer Tim, si vous voulez. Mais il faut que ça soit le vote populaire. Moi, je dis oui parce qu'il a été joueur. Quand même. Allez, je dis oui. Merci pour votre indulgence. Allez. Murray. Andy Murray. J'allais le dire. Andy Murray trois fois. Alors, j'ai oublié de vous le dire, Rafael Nadal y a battu trois fois en finale. Robin Söderling une fois. Andy Murray trois fois. Marin Cilic deux fois. Tim, est-ce que tu la joues safe maintenant? Là, ça commence à se faire. Ça commence à se corser. Hein. Attends, je réfléchis. Attention de pas trop abuser. T'as remis dans le jeu. Je veux dire Djoko, mais sans conviction. Djokovic une fois. C'était, ouais, je crois. J'ai même plus le tournage, je sais qu'il l'a. À l'US, il y a. 2012, je me suis pas sûr. Un petit moment. Yacine. Oh là là, le soupir. Ah, c'est compliqué. Il en reste quand même 7. Il en reste 7, oui. Est-ce qu'il faut remonter dans le temps maintenant? Ouais. J'ai peur de dire une connerie. Ouais, mais bon, faut la tenter. Faut la tenter, la connerie. Ah oui? Allez. Agassi. Agassi deux fois. Ouais, c'est celui-là que j'avais, moi. J'ai sué. Thibaut, Romain, maintenant vous dites qu'un seul. J'hésite là. J'hésite entre deux. Thibaut, Leighton Hewitt. Leighton Hewitt, Thibaut est d'accord pour Oui, oui. Leighton Hewitt ouais. Une fois. Yes, bravo. Bravo. Dimitri. Del Potro. Non. Non. Énorme, énorme, parce que Del Potro, c'est en finale de l'US Open et c'est Del Potro qui gagne. Ouais. C'était en quelle année, 2014 ou 2014 Ouais, je. Tim. 2014, je dirais. À toi, Tim. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Je sais que j'en ai un sans conviction, j'ai perdu une connerie quoi. Pete Sampras. Non, jamais. Éliminé, Tim, cette fois-ci. Ouais. Yacine. Roddick. Andy Roddick, ouais, trois fois. Roddick, ouais. Andy Roddick, trois fois. Il en reste 4. Je donnerai un indice après. Parce que là, ils sont deux, donc c'est plus facile. Donne un indice pour Dimitri. À tout temps qu'on va te faire sortir, en fait. Non, peut-être pas. Non, on va continuer. Jean-Michel Foucault, attends. Il en reste encore 4. Je suis pas sûr de ton idée. Non, moi non plus, je pas. Allez, les gars, on va pas trop tarder non plus. Si t'as mieux, vas-y. Peut-être l'indice que je vais donner, il va être dur. Enfin, même, il est dur. Non, vas-y. Bah, on va le tenter, mais je suis quasi sûr que non, en fait. Bah, Stan. Wawrinka. Non, jamais. Demi, je crois, juste. Ouais. Éliminé. Dimitri. Ouais, ça me venait plus. Dimitri, Yacine. Dimitri, t'es obligé de sortir, sinon Yacine nous gagne le point. Oui, c'est très l'indice. C'est le premier grand chelem qui gagne à Wimbledon. Il défait une personne. En 2004, je crois, s'il me semble bien. C'est pas le plus connu, loin de là. C'est peut-être le moins connu de tous, mais. J'ai peur de dire que. Louisic. Non. Non. Yacine prend les points. Est-ce que c'était Ivanisevic en 2004? Non, est-ce que vous avez d'autres idées? J'allais dire Bagdatis, pas de Bagdatis. Bagdatis, si. Ah, c'est au final de l'Australie. Tu mérites ton point. J'ai bien cité, Yes. Rien d'autre? Un chilien. Fernando González. Fernando González. En 2008, un russe. Safin. Marat Safin. Marat Safin. Et le premier qui est australien. En 2004, Marc Philippoussi. Eh ouais, Philippoussi, putain, ce boucher là. Fernando González, je crois que c'est lui qui perd aussi la finale des JO en 2008. Putain, Fernando González, j'avais complètement oublié. Allez, on continue. Rapidité. Qui a dit, pour l'instant, me parle pas trop des 6 premières places. Après, on verra. On ira à Lyon. On verra ce qu'on sera capable de faire à Lyon. Mais je vais pas te dire qu'on vise la qualif ou un truc comme ça. Aujourd'hui, quand on n'est pas constant pendant 80 minutes, c'est ce qu'on peut pas viser la qualif. On peut pas viser les playoffs, pardon. Azema ? Franck Azema, entraîneur de Clermont, après la défaite de son équipe face à Montpellier. Point pour le duo Romain Thibault. Foot. Fait une belle équipe. Fait un tour de table. On parle du record donc, de Cavani avec 157 buts en 229 matchs pour le PSG, dépassant ainsi Zlatan Ibrahimovic dans l'histoire du PSG. Ça aurait été trop facile comme question. Combien a-t-il de passes décisives pour le Paris Saint-Germain? On commence de l'autre côté, Dimitri. Je donne une indication à tout le monde. Zlatan en a 61 de passes décisives. Mais attention, ça peut être une mauvaise indication. À vous d'en juger. Trente-cinq passes décisives. Le duo là-bas. Allez les gars, dépêchez-vous. Peut-être Yacine, t'en as un avant. 64. Cinquante-deux. 44. 44, il fallait viser très bas puisque c'était 27, donc point pour Dimitri. Ah bah pas du tout. Moi je pensais plus. 27 passes décisives, donc peu de passes décisives par rapport à Zlatan, 61. Ouais. Donc encore à faire son retard là-dessus. Qui a dit, rapidité, ça fait presque 2 ans que je ne joue pas beaucoup, on est dans une situation difficile et j'ai un choix très difficile à faire. Car ici je suis bien, je suis constant, c'est ma ville, mais je n'ai encore rien décidé. La seule chose que je veux, c'est jouer beaucoup plus pour essayer d'aller à la Coupe du Monde. Si à la fin de saison je ne suis pas dans la liste de sélection après être resté ici, ça va rester dans un coin de ma tête toute ma carrière. La Saint-Indira. Non. Coman. Non. Clément Grenier. Non. Là j'y ai pensé aussi. Bon, j'entends les Coupes du Monde, je pense à bon. C'est pas Loïc Rémy. Hein. Non. Alors non. Payet. Non. Il est pas français. Il dit c'est ma ville, mais bon, il est pas né là. C'est ma ville. Pastore. Javier Pastore, en effet. Bien joué. En partance du Paris Saint-Germain. Et dernière question. Parisien, effectivement. Dernière question. Rapidité, c'est un qui suis-je. Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de ma génération, je débute ma carrière professionnelle en 2002-2003, alors que je viens d'avoir 18 ans. Mon premier titre, je le gagne en 2004 à Palerme. Cependant, on m'a découvert cette année-là pour avoir battu le meilleur joueur de l'histoire de mon sport au JO d'Athènes. Déjà, l'année d'après, je gagne mon premier et seul Master 1000 à Bercy face à Ivan Ljubicic. Mon palmarès n'est cependant pas à la hauteur de mes espérances. 9 ATP 250, 3 ATP 500 et donc Paris-Bercy en Master 1000. Je ne fais qu'une seule finale de Grand Chelem, c'est en 2010, en finale de Wimbledon, que je perds face à Rafael Nadal. Je gagne cependant deux fois le trophée mondial avec mon pays, en 2007 et 2009. Sur ma fin, je me hisse en quart de finale de l'Australian Open en 2018, où je me fais éliminer par le champion de l'édition, celui que j'avais battu en 2004, Roger Federer. Je serai l'un des outsiders de la prochaine édition de l'Open Sud de France. Je suis tchèque, Thomas Berdych. Bien joué. Et sur cette question, victoire du duo entre Romain, Thibaut avec 5 points. Yacine avait fait Dimitri avait fait un bon score avec 3 points et Tim n'était pas. Devant, c'est Montpellier, quoi, pour moi. Finissante de Préville. Hein. Donc voilà, victoire du duo ce soir. On va passer à l'agenda tout de suite avec le football. Donc mardi, c'est la Première Ligue. Il y a de la Première Ligue, donc 3 matchs de Première Ligue, donc Swansea-Arsenal notamment. Coupe de la Ligue, il y a Rennes-PSG et en Coppa d'Italia, il y a Atalanta-Juve. Mercredi, toujours de la Première Ligue, il y a City-West Bromwich-Albion ou encore surtout Tottenham-Manchester United. En Coupe de la Ligue, il y a Monaco-Montpellier. En Copa del Rey, phase aller de demi-finale, Leganés contre Séville. En Copa Italia, c'est l'autre demi-finale entre l'AC Milan et la Lazio. Jeudi, Copa del Rey, la fin de la Copa del Rey, donc deuxième demi-finale, Barcelone-Valence. Et ce week-end, foot étranger, Mönchengladbach-Leipzig, Liverpool-Tottenham, Espagnol-Barcelone ou encore Atlético-Valence. En Ligue 1, OM-Metz, ça sera vendredi. Et le week-end, donc samedi et dimanche, Lille-PSG, Montpellier-Angers ou encore Monaco-Lyon en match du dimanche soir. Pas mal ça. Hein. En rugby, c'est le début des Six Nations. Petite friction entre Thibaut et moi. Pays de Galles-Écosse samedi à 15h15. France-Irlande à 17h15 le samedi aussi. Et dimanche, c'est Italie-Angleterre à 16h. Au niveau du handball, il n'y a plus... J'ai marqué Yacine, mais il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. C'est toujours la trêve. Donc, c'est pas encore... J'ai pas vu qu'il y avait de match prévu pour le week-end à venir. Ouais, mais j'en doute aussi. Je pense qu'il n'y a rien. Vérifié, mais... En NBA, en basket. En NBA. Donc, ce soir, il y a Bucks contre Sixers. Ouais. Mercredi soir, il y aura un bouillant Raptors-Wolves et un Clippers contre Blazers. La bataille pour les playoffs à l'Ouest. En ski alpin biathlon, enfin en sport d'hiver. En sport d'hiver, j'ai noté qu'il y avait les dernières manches de Coupe du Monde à Stockholm en Suède. Je suis pas sûr que les deux soient le même jour, mais je crois que c'est tout simplement demain, le 30 janvier. Donc ce sont les dernières manches pour donner la température avant les JO de Pyeongchang. Ensuite, j'ai parlé de snowboard, donc je vais dire qu'il y a les deux dernières courses aussi, deux courses à Fellberg en Allemagne avant les JO, donc ce sera le week-end prochain, 3-4 février. Et puis les deux rendez-vous improbables dont je vous fais part pour terminer l'émission. Pour les amateurs de rugby à l'ancienne, un peu différent du Six Nations, il y a le derby basque en Pro D2, Biarritz-Bayonne, qui peuvent jouer la montée, donc sait-on jamais, ça peut être intéressant à 20h45, puis là, on va voir des publics. Ah oui, ouais. Ah ouais, là. Et puis ensuite, c'est dommage qu'il n'y ait pas Guy, parce que je sais qu'il est amateur de cyclisme, mais il y a les championnats du monde de cyclo-cross ce week-end à Valkenburg aux Pays-Bas, donc à voir ce que font nos Français et notre nouveau champion de France, Steve Chenet. Ça risque d'être intéressant, et justement, c'est un côté un peu spectaculaire, ça change du cyclisme classique. Voilà. En tennis, il n'y a pas grand chose. Ça va être bientôt la Coupe Davis, premier tour de Coupe Davis. Et l'Open Sud de France qui se profile. Hein. Il y a Sofia qui est en même temps de l'Open Sud de France en tournoi. Et puis il me semble que c'est Quito. Qui est Quito aussi également. Donc, voilà. Ils ne sont pas grand chose, hein. J'ai pas peur de vous le dire. On attend toujours Stan à l'Open Sud de France. On croise les doigts. Il reste deux wildcards à attribuer pour l'Open Sud de France. On les attend. Voilà, pas d'autres sports à rajouter pour vous? Non, rien. Du coup, on va finir par le pronostic de la semaine. Ça va être France-Irlande au rugby aux Six Nations. On va faire ce qu'on va faire, c'est on va faire l'écart de points un petit peu tout de même. Ouais. Victoire ou défaite et écart de points à peu près. C'est où? D'accord. France-Irlande, c'est en France, au Stade de France. Stade de France. Pour ces 20 ans. C'est encore pour ces 20 ans. Pour ces petits 20 ans au Stade de France. Ouais. Alors, Dimitri, enfin, quelqu'un qui... Bon, allez, vas-y, je vais me lancer. Ouais. Je vais pronostiquer une courte victoire d'équipe de France, genre plus 5. Plus 5. Plus 5, team, plus 5, équipe de France. Oui. Je partais sur le même écart. Bah, tu peux, hein. Non, je vais essayer de modifier. Victoire de la plus France. Plus 6. Des pénalités en plus, quoi. Allez, un plus 8 pour la France, tiens. Plus 8 pour la France. Moi je veux dire plus 8 Irlande. Plus 8 Irlande. Rabat-joie. C'est compliqué parce que j'ai envie qu'on gagne. Ouais, mais bon. Et oui, j'ai des craintes, mais allez, je vais croire à l'électrochoc. Mais je dis même plus 3. Ouais, une petite pénalité. Un plus 2, plus 3. Vraiment. Plus 3 pour l'équipe de France. Sur le fil, quoi. Mais la victoire qui fait du bien au mental. Dimitri. Ouais, plus 5, je suis. Pour la France, du coup. Ouais. Plus 5 pour la France. Je me sens optimiste là, il y a un petit vent d'optimisme. Moi je mets. Hormis Thibaut, mais que je sens pragmatique quand même. Bah non, moi je mets plus 5 pour l'Irlande aussi. Ouais. Je les sens pas, surtout l'Irlande. Autant sur la télé de Galles peut-être, mais pas l'Irlande. J'avoue qu'après avoir vu jouer de Leinster contre Montpellier, je suis pas bien quand même. Ouais, t'as pas bien là. Au niveau du classement d'ailleurs, Romain et Vincent avaient gagné 2 points la fois dernière, puisqu'ils avaient pronostiqué Wozniacki et Federer qui gagnaient l'Australian Open. Moi j'avais pronostiqué Wozniacki, donc j'ai gagné un point. Yacine avait pronostiqué Roger. À noter que le mercredi j'avais marqué 0 points puisque Kerber et Nadal étaient sortis en quart de finale le lendemain de mon pronostic. Donc j'avais aussi le lendemain, il y avait qui avait sorti Kerber, je crois. Le lendemain, il y avait Dimitrov aussi, j'étais mal. Ouais, au classement, donc Théo est toujours premier avec 8 points, Yacine c'est deuxième avec 7 points, Dimitri et moi on est troisième égalité avec 6 points, Guillaume, Romain, Vincent et Tim 4 points. Et les autres, donc savoir Sylvain et Anthony qui vient un peu moins souvent, c'est normal, 3 points. Voilà, je pense que tout est dit. On va faire les remerciements. On remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés. Il est 20h56, c'est parfait. J'espère que ça a été une bonne émission pour vous avec, avec un bon débat, je pense, aujourd'hui, malgré qu'il était encore un petit peu court. Ouais, le débat va être animé sur les réseaux sociaux. Tout le monde nous a écoutés. Voilà, et je remercie mes chroniqueurs d'être venus ce soir. Encore une belle émission. Merci à vous. Merci à toi. Et puis aussi à la technique, Arnaud. Je te remercie. Merci de veiller avec nous. Je sais que c'est compliqué des fois, mais il y arrive. Voilà, on va terminer par le son de la semaine. Et quoi de plus beau que de terminer ce Roger Federer et le discours du speaker à la fin sur ses titres, là où Roger a un petit peu craqué, un peu comme tout le monde sur la table. C'était magique. On vous laisse sur ça, Roger Federer. On se voit la semaine prochaine, donc lundi 19h-21h sur Radio Campus Montpellier. Salut. Bonne semaine. Salut. Bonne soirée à tous. So, ladies and gentlemen, to our winner. And tonight, he contested a record 30th Grand Slam final in his record 7th Australian Open final. He's now won a record equaling 6th Australian Open title, and as we've heard, in the process has become the first man to win an astonishing 20 Grand Slam titles. Il va falloir lui répéter souvent pour qu'il... Il arrive à s'en rendre compte. Ladies and gentlemen, to receive the Norman Brooks Challenge Cup from Switzerland, but loved all over the world, our champion for 2018, Roger Federer.